m'appelle Aurélie Damien et aujourd'hui pour moi c'est un grand jour. Nous sommes le mardi 30 août et c'est la rentrée de ma fille en moyenne section de maternelle. Alors je vais forcément verser ma petite larme, mais en attendant, je déclare l'émission officiellement ouverte. Bonjour la France! Bonjour! Je suis trop contente de vous avoir. Bah nous aussi Aurélie, on est ravis. Ça va ma chérie? Ah oui, mais je suis super excitée, j'ai peur, j'angoisse, voilà. Ah mais je comprends, c'est normal. Alors elle rentre aujourd'hui? Alors oui, parce que c'est l'école privée, donc là sur Amiens, normalement toutes les écoles privées, toutes les mamans, là, elles sont en stress. Ah ok, du coup, et c'est jeudi la rentrée pour les autres. Oui, absolument. Voilà, ça dégoûte un peu, mais bon, du coup, voilà. Et il faut bien sûr, il faut rentrer à un moment donné. Ah oui. Pour sortir, il faut rentrer. Ah oui. Et à un moment donné, exactement. Il faut. Bien sûr, Clément. C'est l'école privée de vacances en fait. C'est ça. Alors école privée, c'est quoi? Elle va avoir un costume? Non, un petit short rose, un costume sympa. Non, mais il y a pas un uniforme. Un dress code, non. Pas de dress code. Il y a des videurs à l'entrée ou pas? Encore. Il n'y a pas de dress code. Oui, Nico Dubureau. Non, maintenant, il y a un uniforme. C'est pour les garçons 15, pour les filles, Reine des Neiges. C'est... Ah oui. C'est un peu ça. J'avoue qu'il y a du Reine des Neiges dans ses affaires. Et pour les garçons, c'est Spider-Man. Oui, ou Spider-Man. Aussi. Spider-Man, Tortue Ninja. On est beaucoup là-dessus en ce moment. Énormément. Pauline, au standard, ça va? Oui, ça va très bien. Mais moi, j'ai fait un collège privé. Mes parents m'ont changé. Ah ouais? Ouais, parce que j'avais séché plusieurs fois dans l'année. Et c'était en fait très strict, mais on faisait encore plus de bêtises. Bah ouais, nous, il y avait un seul collège privé dans tout le département d'où je viens. Moi, je viens des Hautes-Alpes, dans la montagne en 05. Il y en avait un seul, Saint-Joseph, Saint-Jo. Ouais. Nous, c'était. T'es à Saint-Jo. Ouais. Et voilà, c'était privé. Et je sais pas pourquoi, toutes les plus belles filles du département, elles étaient dans ce lycée-là. Ouais. 9-0, ben pareil. Toutes les belles filles sont toujours dans les collèges privés, les lycées privés. Sympa pour les autres. Ouais, c'est cool. Ouais, non, je veux dire, les plus belles filles que tu croisais dès que tu étais où? Évidemment, qu'est-ce qu'elles disaient? À Saint-Jo. Je suis à Saint-Jo. Donc, tu savais que tu pouvais pas la croiser. Il y avait aucune chance que tu tombes sur. Voilà, à Saint-Jo, quoi. C'était vraiment le fantasme, Clément. Non, mais en Vendée, non, je crois qu'on était quasiment tous dans le privé, en fait. Parce que c'était logique, en fait. Comment ça? Ben, il y a, genre, dans ma ville, je crois qu'il y a deux écoles privées et je sais même pas s'il y en a une publique, en fait. Ah, mais t'as grandi à Harvard. Non, mais c'est pas cher, c'est normal, en fait. C'est vrai qu'il y a plus. Nous, il y avait plus de privés. Ah non, mais j'ai même pas si cher, j'ai juste qu'il y en avait qu'un et que toutes les gens étaient là-bas. Non, on dit que c'était le truc à l'entrée, quoi. On avait des moches. Tu me rassures. Bon, vous l'entendez, Clément est là aussi. Laure, bien sûr. Salut. Et ma petite Aurélie, t'étais avec nous hier pour la rentrée? Mais oui, bah bien sûr, je suis toujours avec vous. Bah, t'es un ange. Alors depuis 7h30, vous qui étiez peut-être avec nous là hier déjà pour notre prise, hein, on vous souhaite bon courage et peut-être que vous avez loupé la grande surprise de 7h30. C'est 50 ans de loyer, c'est le cadeau magnifique qu'on va vous offrir le 16 septembre en direct et en exclu sur Virgin Radio. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Donc c'est simple, je vais réexpliquer ce qui se passe. Le SMS, il est payant chez nous, hein, on s'en cache pas. Disons-nous les choses, c'est du temps blanc. Il est majoré, donc vous envoyez un SMS, vous avez deux fois plus de chances de gagner. Non seulement vous êtes tout le temps inscrit pour le tirage suivant, là c'est à 6h20, tous les matins, 6h20, 7h20, 8h20, mais en plus chaque SMS que vous m'envoyez, si d'ici le 16 septembre vous m'en envoyez 44, c'est trop. Oui. Mais si vous en envoyez 44, eh bien sachez que vous êtes inscrit 44 fois pour l'immense tirage au sort du 16 septembre où à 8h20, on offrira 50 ans de loyer. Calcul vite fait? Oui. Allez. Ça fait un peu rêver. T'as un loyer de combien, Aurélie? 625. J'ai déjà calculé, moi. J'ai plus en tête, ça fait beaucoup. 525, tu m'as dit? Oui, voilà, 625. 625. Ah, 625. Alors, t'es aux alentours des 378 000 euros. Oui, mais déjà que c'est d'être passé les 6 chiffres, c'est déjà bien. Donc. Bah là, pour avoir un dress code et pour aller habiller en saumon fumé, ta fille. Exactement. Évidemment, mais bien sûr. Ma petite Aurélie, je suis ravie vraiment d'avoir démarré cette journée avec toi. J'espère que tu vas rester avec nous. On est là 6h, 9h chaque matin. Ben moi jusqu'à 8h30, après 8h30 je vais poser ma fille et puis voilà. Eh ben super, ben nous aussi à 8h30 on arrête. Que pour toi ce matin, à 8h30 on se casse. Voilà, c'était que pour toi ce matin. Ma petite Aurélie, je t'embrasse très fort, merci à vous tous de nous suivre. Je sais que vous êtes nombreux à travailler la nuit. D'autres sont déjà en train de petit déjeuner, en train de se préparer pour partir bosser. C'est les plus matinaux de France. Eh ben écoutez, bon courage, on est très heureux d'être là. The Avenir, ça vous tente? Oui, on est sûr? Ouais, on est sûr. Tout à fait. We go home. On adore. Et on va faire, on va faire gagner The Avenger aussi dans pas longtemps là. Oh, super. Merci Nico. Mais oui. Merci, quel malicieux. Et Camille, puisque tu parles de The Avenger, excuse-moi, j'aimerais apporter mon grain de sel. Non mais c'est bizarre. Je mets peut-être un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Je suis le caillou dans la botte des puissants. Mais je pense qu'en parlant de The Avenger, tu as oublié de dire qu'on faisait gagner The Avenger. Tout à fait, merci. C'est le Virgin Tonic de Nico du bureau? Non, pas encore. Non, eh ben alors. Eh ben merci de fermer ta boîte à camembert. Oui, non, merci. Oui, non. Je vais juste dire, il a dit pas encore. Plus personne n'ose parler. Oui, non, non, rien. Non, j'ai des trucs à faire. Clément, un truc à dire. Non, j'étais en train de manger mes ongles. C'est à Ibiza qu'on va faire gagner The Avenger. Ah, merci. On fera un beau duo. Les amis, 6h08, soyez les bienvenus sur Virgin Radio 5. Kiff d'être là. Excellent réveil à vous tous sur Virgin Radio. J'espère que ça va. Je sais qu'il est tôt. Il est très tôt. Il est 6h11 à peine. On sait qu'il est tôt puisqu'à la télé, il y a de la pelote basque. Là, en général, c'est qu'il est très très tôt. On peut changer de chaîne parce que le pire, c'est que ça vraiment, ça attire le regard. On sait pas pourquoi. Parce qu'on regarde les gars jouer, on se dit pourquoi ils font ça? Pourquoi pas un autre sport? Pourquoi pas du squash? Ils sont sur un terrain de squash. Ils sont en train de faire un truc qui ressemble à du tennis. Faites l'un ou l'autre. Mais pourquoi ça? Oui, mais surtout, Laure. Qui a inventé ce sport? Un panier. Ils ont un panier dans la... Pourquoi? Je sais pas, en vrai. Je pense qu'il y en a un, il a chassé un pélican et il s'est dit, tiens, on va faire mettre une balle dedans. J'en sais rien ce qu'ils ont fait, Pauline. Moi, j'ai un arrière-grand-père qui est champion de pelote basque à main nue. Et ça, c'est la classe. D'accord. Alors, pelote basque à main nue, ça s'appelle du handball. faudra vérifier, mais en principe... Bah, c'était au Pays Basque et avec les mêmes techniques, sans le petit accessoire. D'accord. Voilà. Ça, alors, pour ceux qui connaissent pas, voilà, ils ont une corbeille et en fait, ils s'envoient la balle chacun. Ça va vite, hein. Ouais, voilà, ils ont des casques et tout. On vient de passer à 10-5. Je connais pas les points, mais les bleus gagnent. Ouais, c'est vrai signe qu'ils vont tirer beaucoup trop d'eau. Tiens, j'ai un chiffre pour vous, les amis. Vous ouvrez les yeux. Ça vient du site Néon. 85% des emails échangés chaque jour sont des spams. Bah ouais, c'est sûr. Après, tous les mails dans le monde, eh ben, plus de 8 mails sur 5, c'est des spams. C'est saoulant. Ah, c'est pas possible, Clément. J'en ai reçu un intéressant l'autre jour. Il y a Elena qui habite à 5 km de chez moi qui cherche l'amour. Sauf que je sais pas si c'est à Paris ou en Vendée. J'ai pas répondu. Mais voilà, tu as jamais reçu des trucs de. Tu sais, t'as le pack que tu t'inscris sur les sites de rencontres. Je l'entendais, il y a plein de JT, notamment Sud M6. J'avais vu des documents là-dessus. J'avais jamais été impacté. Ouais. Mais ça y est, j'ai eu un truc de quelqu'un que je connaissais qui s'est fait pirater son compte pour me dire oui, si tu pouvais m'envoyer de l'argent, je suis en galère, je suis à l'étranger, tout machin. Ouais, ça m'a fait cher. C'était moi pendant les vacances. J'avais vraiment besoin d'argent. Non, sans blaguer, c'est la première fois, ça y est, qu'ils ont réussi à pirater un compte de mes potes et reçu une sorte de spam. Quoi. Ouais. Laure, t'as déjà reçu un spam? Je reçois tout le temps des spams du Bon Coin parce que j'ai eu le malheur de faire une alerte. Mais je l'ai supprimée 15 fois l'alerte. Elle revient à chaque fois. C'est insupportable. Tu peux pas t'en séparer. Non, tu peux pas t'en séparer. Il revient tout le temps. Comment faire, Nico du bureau. Tu sais que supprimer un abonnement mail, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait. Ouais. Comment ça? Il faut aller à la fin du mail. C'est hyper compliqué, c'est hyper en fait. Dur. Il faut aller à la fin du mail, appuyer sur se désabonner. Non, mais après, il faut rentrer ton adresse mail. Est-ce que c'est cette adresse? Est-ce que c'est ce type d'email que vous voulez vous désabonner? Il demande plein de questions. Ouais. C'est hyper, hyper compliqué. Franchement, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus dur de se désabonner que de s'abonner. Ah, hein. Oui. Ah bah oui. C'est vrai que c'est bizarre. Pauline, au standard? Moi, assure animaux, tout le temps. Je reçois des mails de... Ah, parce que t'as pris une assurance pour ton chat? Eh ben, je l'ai pas prise, mais je regarde en fait tout le temps des petits accessoires marrants à lui acheter. C'est mignon. Non, c'est éclaté. Voilà. Les petits gratte-gratte. Oui. Et si t'as pris une assurance pour ton chat. Mais je ne l'ai pas fait. Il va falloir que tu prennes une assurance pour ton mec. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'il est très âgé. 10 ans d'écart, vous avez. Ah non, c'est reparti. Donc là, voilà. Maintenant, c'est pour lui. Hein. Okay. Ok, d'accord, je vais le prendre. Et n'oublie pas. C'était Radan. Oui. C'est important pour toi. Oui, Laure. Une assurance vie, il faut qu'elle prenne. Je te rappelle qu'il a ton âge, son mec. J'étais sûr que t'allais m'aider et qu'il a quand même ton âge. Exactement. Ça me fait plaisir. C'est pour moi. 6h14, 21 Pilots tout de suite. Excellent réveil. J'espère que tout va bien pour vous. Prudence si vous êtes déjà sur la route. Hein. Beaucoup sont encore au petit-déj. Là, c'est le moment où tu hésites entre les Frosties et les Chocapic. Chocapic, merci à vous. Les amis, toute l'équipe est là, bien sûr. Laure, oui, Clément, ouais. Bonjour. La popo du standard. On souhaite beaucoup de courage. Dans un instant, un petit point sur l'actu. Comme tous les matins à 6h30. Et enfin, le premier réponse à tout de Clément Lincrus. Quand on descend dans la rue, poser des questions aux enfants. Et là, on parle encore un peu de vacances avec l'équipe. Hein. Vous tous aussi, 39-16 pour nous joindre. N'hésitez pas, là, pas encore quelques jours. On a toujours une petite anecdote de vacances à se raconter. Ouais. Et Laure, elle nous parlait de son relou. On se faisait une remarque avec l'équipe, c'est que dans toutes les vacances, ou quel quelles aient été. Quelles que soient les vacances. Ouais, merci à toi. Mais je t'en prie. Quelles que soient les vacances, peu importe où est-ce qu'on est parti, on croise en relou. Il nous a pourri nos vacances à un moment donné. Donc toi, alors, c'est qui? Moi, c'est le propriétaire de la petite villa qu'on a louée, qui était dans la villa mitoyenne. Il a voulu un chèque quand on est parti. Ok, bah super. Ok, donc apparemment, bah faut payer la location. Super. Pas le droit de repartir avec les meubles. N'importe quoi. Pétage d'ambiance. Quoi. Non, il était dans la villa mitoyenne, et ce qui est horrible. Ah, mais ça faut jamais. Mais non, mais on savait pas, et il nous surveillait tout le temps. Donc dès qu'on allumait par exemple une lumière, il nous appelait. Vous êtes bien sûr qu'il faut allumer cette lumière? C'est-à-dire que là, on va vivre normalement, en fait. Toutes les lumières, ils t'appellent? Non, mais dès qu'on allumait une lumière, par exemple la lumière d'extérieur, si on avait le malheur de l'allumer avant que la nuit tombe, il appelait. L'électricité, comment ça se passe? C'est Versailles? Non, mais enfin, on va pas. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Ça te pourrit des vacances. Ah, mais c'est pas possible. Ah, voilà. Non, ça, c'est impossible. José. Moi, c'est José? José, ouais, je balance. Tu vas être chez lui. Elle m'a balancé. C'est bon. Une relou, ça compte ou pas? Ah oui. Bien sûr que ça. Mais attends, ouais. Clem, attends. On disait un relou. C'est une fille, elle s'appelle Lucie. C'est la chérie d'un de mes potes. Elle est gentille. Mais elle poste tout, minute par minute, tout ce qu'on fait pendant les vacances sur tous les réseaux. Pire que Ginger. Non mais tu peux rien faire. Moi je fais des trucs en vacances qui sont pas postables. À quoi? Ben pour mes amis. Genre je bronze. Exactement. Tu vas à la piscine. Non. Il y a Benjamin, tiens, qui est avec nous 39. On a plein de monde avec nos standards. Ça fait plaisir. Benjamin, on va prendre Sophie, tiens, au 39-16. Salut tous les deux. Salut les amis. Sophie, ma chérie, t'es partie en vacances? Oui, je suis partie en vacances avec deux couples d'amis. Et la relou de vacances, c'est la troisième copine qui disparaissait toujours quand il y avait les tâches ménagères à faire. Du genre, je vais changer la couche du petit. Oh, au fond du jardin, il y avait un petit écureuil trop mignon. Ou alors, vous avez déjà fini la vaisselle, vous ne m'avez pas attendu. Mais voilà, ça, ouais. Donc à chaque fois, une bonne excuse. Et la relou, pendant que les deux autres faisaient tout, marre, là, franchement. Moi, je connais ça, c'est moi. Ça, c'est le gars qui vit. Non, mais vraiment, j'ai ces techniques-là. Nico du bureau. Ouais, j'avoue que je suis un peu comme ça aussi, mais j'ai une petite astuce. Généralement, par exemple, quand ils disent on met la table, tu vas chercher une fourchette, tu la poses sur la table, ça fait l'air de rien, tu vois. Tu prends juste une fourchette. Non. Nickel. Il y a un truc, il vaut mieux mettre la table que débarrasser la table. Ouais, mais oui. Voilà, vaut mieux se motiver, tu mets la table, voilà, c'est moins lourd. Et débarrasser, tu dis, j'ai mis la table, attends. Là, t'avais pas le choix, on faisait les deux, hein. Bah ouais. Benjamin, c'est qui ton relou de vacances? Si t'es parti en vacances, mon pote. Toi, hein. Ah oui, alors moi je suis pas parti en vacances, je suis resté à la maison, mais du coup j'ai accueilli ma belle-sœur qui est une vraie fille urbaine citadine et qui a débarqué chez nous à la campagne. Et alors la vraie relou, dès qu'il y avait une petite mouche, une petite abeille ou même un petit papillon de nuit à la Paris Hilton, elle se levait en l'air. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça a pas arrêté. Ah elle ouais. Pas venir à la campagne. Hein. Bah si vous... ouais, y a les cigales, ça peut être pénible quand même pour dormir. Ah moi tout ce qui est plus petit que moi, je ne supporte pas. Ah bon? Mais tu rigoles, ouais. Ça va, t'as de la marge. Plus grand que toi, on aurait. Ça faisait quand même beaucoup d'espèces. Hein. Plus petit, à part le lémurien, je veux dire, on est quand même. C'est sur de la tranquillité de vie, quoi. J'ai vu des guêpes plus grandes que toi, quoi. Mais tu sais qu'il y a des endroits, genre Nouvelle-Calédonie ou à Zanzibar ou quoi, où les animaux ont tellement à manger qu'ils deviennent énormes. C'est qui vraiment Zanzibar? C'est un nom qui me fait rire, moi. J'ai l'impression que c'est un bar où on va se retrouver. Il y a un happy hour. Ouais, quoi. C'est ça. Non, mais en vrai, ça vous donne pas envie d'un happy hour, le Zanzibar? Ouais, si tu vois les rats qu'il y a là-bas, ils font 1m20. Ah bon? Non, mais je te jure, c'est impressionnant. Plus grand que toi, alors? Oui! Pauline! Mais si les rats faisaient tous 1m20, ils domineraient le monde. Non, mais c'est une info à moi et tu la récupères. C'est une info que j'ai donnée l'an passé, ça. Mais t'es hyper intelligent. Alors, elle récupère mes infos. J'ai un peu bouquiné cet été. Oh là là, je vous jure. Bon, les amis, merci. On t'embrasse très fort, Benjamin. Sophie, 6h31, on fait un point sur l'actu. Mans Zelmer Love, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Je vous souhaite encore un très très bon réveil sur Virgin Radio. Réponse à tout. Eh oui, les enfants de la répartie. Ils ne sont jamais piégés, Clément l'a bien compris. Ils descendent dans la rue chaque jour, leur poser des questions. Et je leur ai demandé tout simplement ce qu'ils avaient adoré cet été. C'est quoi votre meilleur souvenir de l'été? D'aller au Canada. Et c'est comment le Canada? Trop bien. Il y a les chutes du Niagara, il y a des baleines, il y a des castors, il y a plein de choses. Toi, c'est quoi ton meilleur souvenir? Barcelone. Waouh. C'est comment Barcelone? Ça ressemble à quoi? C'est en Espagne, il y a des téléphériques, funiculaires, et des métros, des bus et des trams. Alors moi je suis resté en France, mais j'aurais adoré aller en Sicile. Vous savez ce que c'est que la Sicile? C'est les habitants de la Sicile. C'est là où il y a les dames qui s'appellent Cécile. C'est une île, la Sicile, où est-ce qu'il y a les oranges et les citrons qui poussent. Il y a quoi? Les oranges et les citrons qui poussent. Il y a quoi d'autre? Il y a eu la guerre. La guerre de Sicile? Ouais, voilà. Réponse à tout. Merci à tous les enfants qui jouent le jeu chaque matin. Dans une heure, nouveau réponse à tout. Mans Zelmerlov, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Et donc juste après, tiens, l'équipe, mettez-vous dehors, mettez-vous d'accord. On va faire un rêve ou réalité spécial vacances. Ah. Ok, de vous, un seul d'entre vous va raconter une vraie anecdote. Les deux autres vont mentir. À vous de démêler le vrai du faux pour partir à Ibiza dans deux secondes. Ne bougez pas, c'est le Virgin Tony. Avec l'équipe qui est là, bien sûr. Oui. On va avoir besoin d'eux parce que c'est eux qui vont faire un grand rêve ou réalité. Chacun leur tour, ils vont raconter une anecdote, quelque chose qui leur est arrivé pendant les vacances. Et à vous de démêler le vrai du faux. Si vous retrouvez la seule personne qui dit la vérité, les deux autres mentent, ont inventé une histoire. Je ne sais pas non plus. Non. Je vais essayer de vous aider, mais je ne sais pas non plus. Ils sont sortis se concerter. Une seule anecdote est vraie. Si vous la retrouvez, vous repartez avec un cadeau magnifique. Un séjour à Ibiza, tout frais payé pour aller applaudir The Avener le 17 septembre prochain au Pacha. Oh là là, sympa. Okay, je suis mal à Ibiza, mais je sais que ça pète le Pacha. Ouais. Je sais que c'est un truc de fou. C'est Aude qui a été tirée au sort au 39-16. Salut ma petite Aude. Salut Camille. Aude, ma chérie, tu viens d'où ? Je viens de Reims. Très bien. Et ma belle, on va partir pour le rêve ou réalité juste avant pour te donner déjà une petite idée. Je vais demander à l'équipe en un mot de nous résumer leur anecdote de vacances, vraie ou fausse, Laure. Découverte. Découverte. Sonne bien. Clément. Attraper la queue. J'ai très peur de cette anecdote. Pauline. Manger la mouche. Manger, c'est... Ah, c'est-tu ensemble ? Attention, oh mon Dieu. On y va, petit jingle. Aude, après tu diras par qui tu veux commencer. Je rappelle, un seul des chroniqueurs dit la vérité. Okay, c'est parti, rêve ou réalité. Rêve ou bien réalité de vacances. Spécial vacances. Ma petite Aude de Reims, par qui veux-tu commencer, Laure, Clément ou Popo? Ah bah, je veux dire que Clément m'a intrigué. Coquinette. Clément, on rappelle le titre de ton anecdote. Mon anecdote, attrapez-moi la queue. Ah, moi. C'est bien. Alors on y va, Clément. Eh ben, j'étais en vacances comme chaque été à la Faute-sur-Mer en Vendée. Et j'ai remplacé pendant une demi-heure la dame qui fait attraper la queue du Mickey au manège. Et j'en ai profité pour faire gagner tous mes neveux. Parce qu'en fait, ça m'a économisé en plus des tours. Je lui ai dit, mais ça a l'air génial, je peux essayer. Elle m'a dit oui. Comme ça, j'ai fait gagner tous mes petits neveux et mes petits cousins. C'est pas mission 5 ou 6, après, ça coûte très cher. Alors, je me permets, je ne sais pas qui dit vrai ou faux. Juste une question, pourquoi tu as dû la remplacer? Non, j'ai demandé, parce que du coup, j'avais pas assez d'argent pour tous mes petits neveux et nièces. Ah, donc j'ai dit, je vais dire, je vais essayer. Et comme ça, je leur fais gagner des tours gratuits. Ah, d'accord. Et la dame du manège, en pleine saison, le moment où elle fait son beurre, comme on dit, juillet, août, elle t'a laissé la place. Mais je vais là-bas depuis que je suis petit. Ah, d'accord. Je l'ai attrapé, moi aussi, cette manège. Elle s'appelle Françoise et je l'embrasse. Bien sûr. Ouais. Parce que quand on sait, là, les enfants peuvent attraper une peluche, ils ont un tour gratuit. J'y crois pas une seconde. Ouais, je sais mais pas. C'est mais c'est peut-être le vrai. Mais j'y crois pas. Ouais, mais vraiment. On va voir. J'y crois pas. Aude, ma chérie, tu veux qui? Pauline ou Laure maintenant? Oh, allons-y pour Pauline. Popo, je rappelle, la mouche, c'est quoi? Ouais, avaler la mouche. Avaler la mouche, on t'écoute. Et en fait, cet été, je dormais sur la plage et en fait, je dors la bouche ouverte. Deux personnes de l'équipe le savent. Et, et du coup, j'ai une mouche qui est rentrée dans ma bouche. Et donc, ça m'a réveillée. Et sauf qu'impossible de la sortir. Je la sentais dans ma gorge, mais j'arrivais pas à la sortir. Pourquoi tu dormais sur la plage? Ouais, parce que je dors sur la plage. Il y a beaucoup de gens qui font ça, non? Tu passes la nuit entière sur la plage? Non, mais je dormais la journée. Il y a des mouches. Ah, tu t'étais endormi, il n'y a pas de mouches la journée sur la plage. Si. Bah non. Non, jamais la journée. Okay. Jamais la journée. Non, mais en vrai, il n'y a pas de mouches sur la plage. Petite menteuse. C'était une guêpe. On est. L'histoire évolue. Non. Bon. Aude, excuse-moi, t'as peut-être une question à poser à Pauline, mais je pense que perds pas ton temps. On n'est pas sur la vraie, je pense. J'aurais voulu voir la taille de la mouche, mais je pense que c'est pas la peine. Non, là, on est sur du bon mytho, je pense. Hein. On est sur du 10 cm de mouche. Bah, évidemment. Alors, ma petite Laure, toi, on rappelle au moins, voilà, quelqu'un qui n'est pas dans le grave, le découverte. Ouais. Voilà, on t'écoute. Ouais. Cet été, j'ai découvert et rencontré ma demi-sœur. En fait, je ne savais pas qu'elle existait. Et mon père nous l'a annoncé l'année dernière. Elle habite en Corse. Donc, il nous a dit, si vous voulez la rencontrer, vous pouvez la rencontrer. C'est dommage parce que ça part bien. Tu vois, le nom est bien et tout. Et tu vas trop loin. C'est-à-dire, t'es tellement sûr d'être une bonne menteuse que tu vas trop loin. Cet été, j'étais en Corse, vous le savez, avec mon chéri Juju, et j'ai croisé Iron Man. Beaucoup de gens pensent qu'il n'existe pas. Donc il y a un gars qui s'appelait Tony. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il ressemble à Tony Stark. Mais en même temps, il dépensait pas. Voilà, il n'était pas. Donc on s'est dit, c'est bizarre. Et un soir, il y a eu une embrouille parce qu'il y a eu un gars qui a voulu piquer la caisse de la supérette. Et là, d'un coup, la tipa qui revêtit son armure. Il met une armure. Je dis à Juju, attention, Florence, Iron Man. Juju me dit, non, c'est pas Iron Man, il n'existe que dans les films. Je dis, Juju, regarde bien, c'est Iron Man. Et là, d'un coup, le gars arrive, il dit, comment ça va, c'est Iron Man, machin. Je me suis dit, tu vois, c'est Iron Man. Voilà, c'est mon anecdote. Mais tu sais quoi, j'ai pensé que Clément, il a raconté, voilà. Il s'y met pas du tout. Mais les filles, c'est tellement, mais vous partez trop loin que ça. Ouais. Rencontrer sa demi-sœur. Mais je sais pas si t'es au courant, mais j'ai deux demi-frères en plus de mes deux sœurs. D'accord. Mon père était un peu chouchou. Elle est prête à ruiner la réputation de son père pour essayer de nous faire croire que son anecdote est bonne. Ode, alors vraiment, en plus, tu vois, je crois que je t'aide énormément, mais elles sont tellement nulles, les filles, en mensonge. Je pense que Clément dit la vérité, mais vraiment, ma chérie, je peux me tromper, je te jure, je sais pas. Alors, moi, j'aurais eu tendance à dire ton histoire, mais t'es pas dans le jeu, donc bon. Par contre, ouais, moi, comme j'ai des enfants, je vais croire l'histoire de Clément, parce que c'est tellement mignon. Ouais, bah, c'est surtout. Pour ses neveux. Elle est pas dingue, c'est la seule qui est possible, en fait. Donc, c'est, à mon avis, c'est ça. Clément, est-ce que tu disais la vérité? Mais évidemment, je mens jamais. Évidemment, c'est la vérité. Eh ben voilà, je le sentais. Hein. Ah bon? Laura pas rencontré Iron Man. C'est bizarre. Ode, ma chérie, félicitations. Écoute ce que t'as gagné. C'est un très très beau cadeau. Vous partez voir The Avenger à Ibiza. C'est énorme. Ah, je suis très heureux. Tu choisis la personne que t'aimes le plus. Tu feras plein de jaloux, plein de jalouses parmi tes potes. Et tu vas l'envoyer à Ibiza avec toi pour applaudir The Avenger dans quelques jours, d'accord? Oh là là là là, j'ai chaud là. Eh ben, je suis très heureux, ma chérie. Je t'embrasse très très fort. Félicitations. Merci. Bisous. Et on vous offre un tour du monde pop rock électro. C'est comme ça tous les matins pour fêter cette rentrée. On est tellement heureux de vous retrouver. Demain matin, c'est des places pour Justin Bieber. Oh yeah. Et alors, ça fait plaisir. Restez avec nous sur Virgin Radio. On écoute Mom tout de suite. Aloha. Excellent réveil, 6h46. Réveil à tous sur Virgin Radio. Bon réveil, 6h49. J'espère que tout va bien pour vous. Mardi 30 août aujourd'hui. Courage à ceux qui ouvrent les yeux, courage à ceux qui sont déjà sur la route. On pense très très fort à vous. Et alors là, j'aimerais m'adresser à toutes les femmes. Oui. Mm-hmm. Un peu jaloux. Oui. Vous êtes nombreuses à dire. Ah, oui. Mm-hmm. Eh bien, oh, mais remarquez, non, pour les garçons jaloux aussi, ça marche puisque c'est tout sexe confondu. J'ai l'âge où on a le plus de chances de tromper son conjoint. Oh là là. Femme et homme, à quel âge on a le plus de chances de tromper son conjoint? D'après vous, on le fait un peu version juste prix. Attention, Laure. 40 ans, la crise de la quarantaine. 40 ans, on n'est pas loin. Ginger. Ah, 38. Eh non, Clément. J'aurais dit un peu avant, j'aurais dit 36. Non, Pauline. Moi je dis 22, on s'en fout, on s'amuse, on n'est pas là pour la vie. Eh bien, c'est vrai que quand je dis pas loin de 40, c'est bien de proposer 22. C'est 39 ans. Oh. Ah mince. Mais c'est mon âge. Eh oui. Ah, tu veux dire qu'il serait temps que je trompe Juju? Mais non. C'est grave. Non mais ça va pas la tête. Non, parce qu'elle voit des messages qu'il n'y a pas du tout. C'est 39 ans. Ah bon? Tu veux dire que je devrais coucher tout de suite avec quelqu'un? Non, alors j'ai pas vu ça. Non, 39 ans, là, faites attention, voilà, si vous êtes conjoint ou votre conjointe, hein, et aux 39 ans, apparemment, c'est l'âge auquel il y a le plus d'adultères. C'est une réelle étude qui a été réalisée par un institut de sondage, voilà, c'est vraiment sérieux, donc méfiez-vous, Clément. Mais il y a un lien avec la crise de la quarantaine, c'est juste avant d'y arriver, tu flippes tellement que t'as besoin de te rassurer. Ouais. On en parlait hier en antenne avec Laure. Et c'est possible, mais en tous les cas, voilà, méfiez-vous. Voilà, près de 40 ans, quel âge il a ton chéri, Pauline? Bah, 36, il me reste 3 ans. Bon, même pas. Même okay. Pas. Méfie-toi. C'est bien. 7h10, les amis, restez avec nous. Kungs, Don't You Know, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Nous, on est à vos côtés jusqu'à 9h. Vous le savez, chaque matin, le Virgin Tonic. Je vous offre votre loyer à 7h20 et je vous dirai comment gagner 50 ans de loyer. Ça, c'est le 16 septembre prochain. 7h05, j'espère que tout va bien pour vous. Mardi 30 août, aujourd'hui, toute l'équipe est là. Oui, Laure, Clément, la popo du standard. Appelez-nous au 3916. On est tous réunis depuis hier. Vous nous aviez manqué pendant toutes les vacances. Ça y est, c'est la rentrée. On est de retour 6h, 9h, avec aussi un point sur l'actu dans quelques minutes à peine avec tous nos journalistes. Et puis juste après, la question de ouf qui est de retour aussi. C'est à 7h05, dans moins de 10 minutes maintenant, sur Virgin Radio. Et je voudrais remercier alors l'équipe. Évidemment, il y a également Nico du bureau, qui est un petit peu le patron de cette équipe. Et je voudrais le remercier. C'est le seul qui m'a ramené un cadeau des vacances. Oui, mais voilà le cadeau. Ouais, on peut voir. Il l'avait oublié hier. Il vient de me l'offrir. Je l'ai là, on va mettre la photo tout de suite d'ailleurs, tiens, sur les réseaux. C'est génial. Non mais c'est génial. C'est génial, non, j'avoue. Ben, c'est un brumisateur où on appuie comme ça, comme pour arroser, vous savez, où vous mettez de l'eau sur la tête, mais en même temps au-dessus il y a un ventilo. Donc le ventilo en fait il t'envoie plein d'eau dans la tête, genre une éolienne de poche. Vous voyez le délire? C'est trop bien. Oui, et Laure? Un brumilateur, on lui donne un nom. J'adore. Brumisateur, ventilateur. Bravo Laure. On vient d'avoir un brumilateur. C'est génial. Merci Nico déjà parce que t'es le seul à ne pas être ingrat et à m'avoir offert un truc dans cette équipe. M'a dit China. J'ai une info géniale, tiens. Est-ce que vous saviez que les étiquettes Made in Taiwan sont fabriquées en Chine? Non. Je vous promets que c'est vrai. Très drôle. Les étiquettes Made in Taiwan sont fabriquées en Chine. Très drôle. C'est important, non? Vous entendez le moteur? Ça souffle. C'est quoi le cadeau le plus pourri qu'on vous a ramené de vacances? Alors ça fait franchement toujours plaisir. Pardon Nico, le prends pas pour toi. Non, mais les gens vous ramènent souvent des cadeaux pourris. C'est pas perso. Hein. Mais quel est le truc vous un peu pourri qu'on vous a ramené de vacances, les copains? Moi, c'est ma nièce qui m'a offert un sublime porte-clés qu'elle a fabriqué elle-même en étoile de mer séchée. En fait, elle a pêché une étoile de mer qu'elle a laissée pourrir et elle l'a accrochée avec un petit crochet. Et donc moi, pour être la tata sympa, je l'ai mis sur mon porte-clés dans mon sac. J'ai jeté le sac. Et oui, ça sentait le poisson pourri. Mais tout ce qui est fait main, c'est mignon. Oui, c'est mignon. C'est mignon, mais enfin, j'ai quand même jeté un sac. C'est mignon, hein, mais enfin, elle va pas me rembourser le sac, elle a 7 ans. C'est ça. Elle veut rien entendre. Apparemment, elle est pas prête à rembourser. Le cadeau, tiens, dites-nous, vous aussi, 3916, il y a plein de monde. Réfléchissez, dites-nous, le cadeau vraiment pourri qu'on a pu vous ramener de ces dernières vacances, Clément. Moi, en mai dernier, donc c'était un peu avant les vacances, j'ai des amis qui étaient en Guadeloupe, un couple d'amis m'ont ramené une bouteille avec du sable et dessus, c'est marqué moi aimé au dodo. Ce qui veut dire apparemment je t'aime chérie. Mais je pense qu'ils étaient même pas au courant parce que c'est un couple. Donc je sais pas si c'est une proposition ou. Mais c'est du sable de la plage où ils étaient? Je suis même pas sûr. C'est du sable d'une plage quand même. C'est du sable d'une plage, mais je pense qu'ils l'ont acheté avec le sable. Ils ont dû payer ça cher. Le mec, il a juste mis. Mais la bouteille, elle est pas belle. Il y a pas un bateau, il y a pas de déco. C'est juste marqué ça. Et c'est du sable. Je trouve que c'est plutôt mignon de ramener du sable où t'étais en vacances. Seul truc, tu le fais toi, tu mets dans une bouteille. Pas besoin de l'acheter. Bah, peut-être qu'ils l'ont fait, qu'ils me l'ont pas dit. Ils ont emballé dans un vrai paquet cadeau et tout. Et c'est encore chez moi aujourd'hui et c'est moche. Moi, je suis très content de mon brumilateur. Très content. Nico du bureau. Non, mais une fois, on m'avait offert justement une bouteille avec du sable, mais du sable avec différentes couleurs. Ça faisait un dessin et je trouvais ça mais super. Assez ouf à faire en fait, j'ai dit je comprends même pas comment ça c'est fait en usine et tout, il y a genre un dégradé, voilà. C'est vraiment, ils ont juste tapé un kilo de sable dans une bouteille. Laure. Moi j'ai appris à faire ça à l'école quand j'étais petite. Super, merci. Pauline, moi c'est ma sœur qui est partie au Portugal et elle m'a ramené un ouvre-bouteille énorme en forme de zizi en bois. Mais c'est très gênant parce que je peux pas le jeter, c'est ma sœur. Donc dès que quelqu'un ouvre mon placard et voit ce truc, c'est pas possible. Mais elle t'a ramené ça pour la blague? Oui, parce qu'elle adore l'humour. Et le bois. Et le bois. Bien sûr. Fred est avec nous au 3916. Au 3916, pardon. Fred, ça va mon poteau? Ouais, salut Camille, salut toute l'équipe. Et mon poteau, dis-moi alors, est-ce que toi aussi, si tu m'appelles en même temps, il y a des chances, est-ce que toi aussi on t'a ramené un cadeau un peu pourri de tes vacances? Eh ben ouais, exactement. Moi, on m'a ramené un super plat en terre cuite avec la recette du cassoulet dedans. Donc magnifique plat, sauf que le cassoulet, j'ai horreur de ça, quoi. J'en mange pas, j'aime pas du tout ça, quoi. Ah oui, c'est plat, c'est inscrit au fond, c'est ça? C'est ça, voilà. Je vois, ouais. T'as la recette au fond, Non, mais c'est ingénieux de mettre la recette au fond du plat. Ça évite de chercher, t'as le plat, tu mets tout. C'est ingénieux, mais en fait, c'est que tu vois le plat. Il est genre en terre cuite foncée. Vous le voyez tous, ce plat. On l'a tous. Ouais, bien sûr. Oui, Laure. On peut faire autre chose que du cassoulet dedans. On peut faire des petits ragoûts, on peut faire plein de trucs. T'as pris ça en techno aussi? Non, j'en ai fabriqué des plats en terre cuite. Super, super, merci à toi. Tes petites anecdotes comme ça, on va peut-être les faire en bonus sur Internet. Tu les gardes pour toi, puis on va t'ouvrir un petit Skyblog. Hein, tu vas t'éclater. Non, mais tu t'éclateras, tu verras. Okay. Tu vas parler aux jeunes. C'est bien, c'est bien. Et évite de les faire sur l'antenne, merci. C'est la troisième fois. Ah, pardon, c'est sûr. C'est la troisième fois qu'elle le raconte, mais personne n'ose lui dire. On n'en peut plus de la personne. Fred, je t'embrasse très fort, mon poteau. Merci de nous appeler. Merci à vous tous d'être là. Il est 7h tout pile. On va faire un point sur l'actu avec plus de 60 journalistes de Virgin Radio qui se réveillent à vos côtés chaque matin pour vous préparer une info près de chez vous, une info qui vous intéresse vraiment. Et c'est le son de Koongs qui va arriver pour le pop rock électro. Ne bougez pas. Excellent réveil à vous tous, 7h03, on est très très très heureux de vous avoir retrouvé. Notre entrée c'était hier, on est parti pour une nouvelle année à vos côtés, 6h, 9h avec Laure, avec Salut. Clément, bonjour. Avec la Coucou. Popo du standard. J'espère vraiment que tout va très très bien pour vous, vous qui êtes très nombreux déjà en voiture, d'autres sont encore sous la douche. En tout cas, excellent mardi à vous tous, j'espère que tout va bien se passer. Il y a Laure, Clément, la Pauline, alors... Vraiment, Pauline du standard, on a lancé un énorme appel, vous le savez, avec Laure, avec Clément, on veut absolument connaître le nouveau mec de Pauline. Ils ont 10 ans d'écart, c'est l'amour fou. Ouais. Ils sont comme des dingues. Combien de temps que t'es avec lui? Là, un mois et demi, deux mois. Oh là, oh là. Ok, c'est parti. Alors, on sait juste qu'il s'appelle, veut pas nous en dire plus. Non. Il s'appelle William. Oui. Il habite Bordeaux. Et je voudrais remercier un Bordelais. Un Bordelais qui nous écoute. Et vous le savez, je suis devant mon Facebook, mon Twitter. Voilà, je lis tous vos messages. Et il m'a envoyé un message Facebook. Il m'a dit, je crois que je connais ce William de Bordeaux. Il s'appelle Johan. Merci à toi de nous écouter le matin. Et Johan, il m'a envoyé... Alors, il fait des vidéos, ton mec, apparemment. On a retrouvé une de ses vidéos. Et il a une profession. On comprend comment il a séduit Pauline. Mais non. Tout est vrai. C'est Johan qui m'a dit, écoute, regarde cette vidéo. C'est peut-être lui, le mec de Pauline. Je vous laisse découvrir. C'est la vidéo. OK. Je vous fais écouter. Et tu nous dis après si c'est lui ou pas. Mais on comprend comment il t'a séduit. Bonjour, c'est William, coach en séduction sur Bordeaux et sur Arcachon. Et maintenant, je vais vous parler de comment draguer dans les supermarchés et les petites astuces qui font que vous pouvez draguer en supermarché. Alors, c'est énorme. Est-ce que ton mec est coach en séduction et est-ce que vous vous êtes tombé fou d'amour dans un Auchan? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais je balancerai rien sur lui, mais c'est pas lui. Arrête. C'est pas lui, on non. est sûr? Ah non, oui, on est je sûr. Suis déçu. Donc ce n'est pas... Bonjour, c'est William, coach en séduction sur Bordeaux et sur Arcachon. C'est pas lui. Non. On est sûr, c'est Clément. Génial. Mais j'ai déjà vu ses vidéos sur internet, elles sont magnifiques, il faut que vous les regardiez. Ah ouais. Il est coach en séduction, mais il n'y arrive jamais. Il dit, je vais vous montrer, alors là, je vais essayer 8. Ouais. Et là, il dit, là, j'ai été confronté à 8 échecs. Et il revient dans le monde en disant, alors maintenant, je vais vous montrer comment dans la rue, on drague quelqu'un. Il fait, ça n'a pas marché non plus, mais il est hyper touchant. Ah, mais moi, je suis. Alors, Willou, si ça n'a pas marché, appelle-nous au 39, s'il nous reconnaît, là, ce William de coach en séduction. Bordeaux et Arcachon. Eh ben, appelle-nous et je te jure, on te trouve l'amour avant 9h. Oui, mais il est coach. Oui, mais s'il n'a pas trouvé, il peut être coach et pas avoir retrouvé. Bah, oui, mais il dit qu'il est coach, mais que là, ça ne marche pas. Je m'engage à te trouver une fille, William. Mais oui, c'est content. Les amis, restent avec nous sur Virgin. 7h06, c'est l'heure du. La question de ouf, c'est parti. Question de ouf. Virgin Tonic. Eh oui, la question de ouf, chaque jour le répondeur est ouvert, c'est Clément qui s'occupe de ça. Et cette année, on a décidé de faire avancer la science. Non, je déconne, en fait, on vous a tout simplement demandé si tu préférais. Alors, c'est un vrai débat, je vous pose la question aussi. Est-ce que tu préfères qu'à chaque fois que tu rentres chez toi, ça sent le barbecue, ou alors à vie, tu peux plus jamais rentrer en boîte? Dur. Alors moi je préfère rentrer et que ça sente le barbecue et qu'il y ait des brochettes sur la table, bien sûr. Enfin, j'espère. Sans aucune hésitation, la boîte de nuit, c'est normal. Jet set, tout ça, champagne. Entre ne plus rentrer en boîte et... barbecue. Moi je préfère ne plus jamais rentrer à un barbecue et que ça sente la boîte de nuit chez moi. Franchement, sans hésiter, la boîte de nuit, hein, ça me changera pas beaucoup d'habitude. Team barbecue forever, et comme ça, ça prolonge encore les vacances. Ça dépend, le barbecue. C'est merguez ou poitrine? En fait, le meilleur choix, ce serait de sentir le barbecue en boîte. Voilà, ça, c'est la meilleure option. Vu l'odeur de mon mec quand il rentre du foot, je crois que je préfère l'odeur du barbecue à la maison. Question de ouf. Virgin Tonic. Il faut le faire plus souvent, se poser des questions existentielles comme mais ça. Oui, bah c'est oui. Vrai. Hein. Il faut le faire plus souvent. 7h07, les amis, merci pour toutes vos réponses. Kungs, Don't You Know, voilà ce qu'on écoute pour le pop rock électro. Excellent réveil. Merci de nous avoir choisis plus nombreux chaque matin. On est là 6h, 9h. Oui, tout près de Virgin Tonic. On est en train de parler de nos résolutions de rentrée. Oui, oui. Dites-nous, tiens, 3916, appelez-nous. Dites-nous si vous avez des choses que vous... Alors, on sait qu'il y a la résolution du nouvel an. C'est très connu, hein, le soir du nouvel an. Voilà, on démarre, on dit cette année, boum, j'arrête de fumer, j'arrête ci, j'arrête ça. Mais je sais qu'à la rentrée, on a ça aussi. Bah oui, ouais. Après l'été, on a ce délire-là. On se dit, mais tiens, qu'est-ce que je devrais arrêter? Ma chérie, moi, par exemple, a décidé d'arrêter de dire des gros mots. Ah, pas mal. Elle trouve que ouais, c'est bien. Je tente qu'elle se tape le pied sur une table. On en reparle. Mais on a tous un truc. Là, on était en train de se dire avec l'équipe. Moi, par exemple, je sais que voilà, comme plein de monde, j'imagine, je me dis bon, il faut un peu que je me mette au sport, quoi. Mm-hmm. Ah ouais. Bah oui. J'hésite encore à NBA 2K ou FIFA 17. sur lequel je vais me mettre. Mais en tous les cas, non, il faut. Je m'empâte. Il faut que je me mette au sport, Clément. Moi, petit sport, c'est la marche à pied. Depuis que je suis devenu addict, c'était à l'appli dont on parlait l'année dernière, qui est l'appli santé, tout simplement. 7 km par jour à pied. Wow. J'ai dit que j'allais faire ça maintenant. Quand au lieu de prendre le scooter ou. Et si, tu rentres chez toi et que t'es à 4 km, tu vas faire 3 km? Je peux refaire un petit tour. De menteur. Bien sûr. Si je vois que j'ai le temps, je rentre de la radio à pied. Ça me prend. Pour aller acheter des Pringles, c'était pas la marche. Tu pourras marcher beaucoup. Tiens, on va prendre du monde un peu au hasard, au standard. Qui on peut prendre? Tiens, un garçon, une fille. On va prendre Gilles et Karine. Salut Gilles et Karine. Salut à tous. Je vous choisis tous les deux parce que je trouve que vous avez deux prénoms à être en couple. Ouais. C'est vrai. Je te jure. Laure, on va dîner chez Gilles et Karine samedi. Ah bon? Oui. Ah d'accord. D'accord, bah, si on les connaît pas, c'est la fin de Laure, je joue même pas, je fais. Ah d'accord, même. J'aime bien Gilles, mais enfin Karine est un peu relou. Merci. Clément. Karine, elle m'a donné mon numéro, elle a pris mon numéro de téléphone, Karine, t'as raison, en plus, c'est vrai. Oui, Clem. Non, mais Gilles et Karine, ça fait le couple sympa, mais qu'on voit pas assez souvent. Ouais. C'est pas genre, oh, on va chez eux, c'est plus, ah, oh, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. C'est vrai. Karine, ma chérie, t'as pris une résolution, toi, pour la rentrée? Ouais, ben moi en fait je vais à tout prix garder mon bronzage, donc je mets des serviettes d'eau chaude pour dilater les pores et pour pouvoir garder mon bronzage le plus longtemps possible. Quoi ? Marche ça ? Oui, ça marche. Alors attends, explique parce que c'est un vrai truc, c'est une vraie astuce, ça va intéresser plein de nos auditeurs et auditrices. Il faut faire quoi ? Et ben en fait mettre des serviettes d'eau chaude sur le visage, ça dilate les pores, ça les purifie. Okay. Et derrière je mets une bonne crème hydratante et ça prolonge beaucoup le bronzage. Ok. Wow. D'accord. Okay. Et plus tu mets une serviette chaude, plus t'es bronzé. Non, en fait il faut faire 3 fois par jour, hein. Faut pas faire longueur de journée parce qu'après là tu flétris. Ah merde, mais c'est une bonne astuce, je connaissais pas Clem. Moi j'ai l'astuce inverse, si vous voulez perdre le bronzage, bah levez-vous à 5h du mat. Pauline du standard. Je crois qu'avec Laure on va faire l'émission avec une serviette sur la tête. Ah bah, je sais, mais garder le bronzage c'est une super astuce. C'est quoi toi Gilles, ta résolution? Moi c'est tout bête en fait. Je me suis dit je vais acheter un carnet de timbres pour éviter d'envoyer les factures en retard. Et d'avoir les majorations derrière, voilà. Et comme, je les envoie jamais en temps et en heure. Et alors, je l'ai promis aussi à ma femme, d'acheter un carnet de timbres et d'envoyer les timbres de fiscaux. J'aime bien, parce que t'as quand même des résolutions qui sont assez atteignables. Il y a des gars, c'est perdre 20 kilos, il y a des gars, c'est arrêter de fumer. Il faut vraiment un truc, tu vois. Toi, c'est acheter un carnet de timbres, ça va. On doit y arriver, Clément. Mais il n'avait pas fini. Deuxième résolution, choper le numéro de Karine. Ça, c'est fait, Clément, ça c'est fait. Il n'est pas venu pour rien, Gilles. Hein. Ouais. Il n'est pas passé pour rien. Merci, mon Gilou. Merci, ma petite Karine. Reste avec nous sur Virgin. Et vous savez quoi, on va tous se raconter nos résolutions. Ok. Ouais. Je veux connaître celle de Laure, je veux connaître celle de Pauline, n'hésitez pas. Hashtag résolution de rentrée. Je lance des hashtags comme ça. Ça I cry, voilà ce qui arrive dans un instant pour le pop rock électro. Juste avant quand même, je vous paierai votre loyer comme tous les matins à 7h20. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire, il n'est pas trop tard. À tout de suite. 6h, 9h, on est là, à vos côtés, bien sûr. La Pauline au standard, le 3916 pour nous joindre, n'hésitez pas, cette émission c'est la vôtre. Clément l'Incruste également. Bonjour. Laure, bien sûr, est là. Bonjour à toi. On est très très heureux d'être avec vous mardi 30 août aujourd'hui. Dans un instant, un point sur l'actu, comme chaque matin à 7h30. Et puis le réponse à tout. Quand on descend dans la rue, poser des questions aux enfants. Interro surprise. Ouais. On va aborder la rentrée. Ah oui ? Bah oui, c'est dans 2 jours, il commence à stresser, on va en parler. Ah ouais. Courage, et je sais, il y a plein de parents là. Alors on pense aux enfants parce que tu stresses un peu avant la rentrée, mais les parents, les fournitures scolaires, les trucs, et machin, je sais que c'est jamais simple, puis c'est beaucoup d'argent les rentrées scolaires. C'est pour ça, tiens, on vous offre 2000 euros à dépenser dans les magasins buts. Trop bien, c'est génial. Et des packs TANS aussi, vous savez, le cartable TANS. petit sympa. Et en plus, dans le cartable, qu'est-ce qu'on met? Boum! Boulette de shit. Non, un iPad mini. iPad mini, c'est quand même pas génial. Ouais. Eh, c'est sympa. Laure me fait signe, genre, je peux en avoir deux. Même un, je peux pas. En fait, c'est pas permis, quoi. Je viens de voir un sondage. Vas-y. Créé par le site YouGov. Ok. 94% des Français conservent leur beurre au frigo. Bah oui. Oui, ou bien quoi? Bah au sec, tu peux mettre ton beurre au sec. Le beurre, quoi? Si tu peux. Bah tu peux, moi je le mets au sec souvent. Non, là, honnêtement, pas en ce moment où c'est un peu caniculaire ou l'été. Ah oui. Mais sinon, la raison, quand c'est à tempérer, je le mets tempéré, comme ça tartine plus simplement. Non. Ah oui, mais ça tourne. Moi je le mets toujours au frais. En revanche, le saucisson, je suis d'accord, il y a débat. Le saucisson, tu le mets. Moi je préfère le mettre en dehors du frigo pour qu'il soit tout mou, limite juteux. Oh. Non, mais c'est meilleur. Émilie est avec nous au 39-16. Ça va, Émilie? Coucou Camille, coucou tout le monde, mais ça va super bien, heureuse d'être avec vous. Même nous aussi, ma belle. Et Miloche, dis-moi tout, le beurre, frigo ou pas frigo? Ah bah frigo. Mais oui. Eh ouais, oui. Ouais. Bon, ok. Pour moi, c'est une évidence. Après, attention, hein. Je suis d'accord, non, mais c'est pas évident, je te jure, il y a quand même, je fais partie des 6%, mais en revanche, je suis très frigo, je mets tout au frigo. Ah ouais? Bah pas le Nutella. Ah non. Nutella frigo. Tu mets le Nutella au frigo? Non, regarde, je mets les Mikado au frigo, je mets tout au frigo, je mets les tablettes de chocolat au frigo. Mais ça, c'est bien. Je vous jure. Non, je mets tout au frigo, moi. Laure. Non, mais d'accord, chocolat, Mikado, tout ça au frigo, mais le Nutella, ça doit être. Bah, c'est comme le beurre, ça doit être à température pour pouvoir tartiner. Ah bah non. Bah oui, il est tout dur sinon. Bah oui. Ouais, mais je trouve que l'huile de palme ressort. Oh, c'est vrai. Non, mais c'est la petite huile dessus. Non, mais je blague pas. Elle ressort un peu. Je dis l'huile de palme, je veux dire le liquide au-dessus qui est pas le plus ragoûtant du Nutella. Bah oui. Les légumes, tiens. Alors, on va faire un grand débat. Attention, je vous fais des propositions. Vous savez, on apprend plein de choses dans cette émission. je lance le grand débat. Est-ce que je pourrais avoir la Marseillaise? Merci. ils l'ont remixé. Grand débat, est-ce qu'on met au frais ou est-ce qu'on met au sec? D'accord. Émilie, le saucisson. Au sec. Je suis d'accord. Saucisson, c'est au sec. Ah oui. Ouais. La grenadine. Au le frais. Sirop. Aucun intérêt. Au frais. Bah, aucun intérêt. Tu mets le sirop au frais? Bah oui, une fois que la bouteille est ouverte, oui. Ah non, moi je mets au sec. Bah oui, j'en moi aussi. J'en ai 400 bouteilles actuellement dans mon frigo. Mais non, mais on met pas le frigo. On met pas le alors et vous, ça va? On met pas le sirop au frais? Bah non. C'est mort. Non, on garde pour les autres bouteilles justement plus sucrées ou les bouteilles de vin. C'est comme en boîte, les carrés VIP. Tu peux pas faire rentrer tout le monde et le sirop il fait partie de ceux qui restent à l'entrée. Tu sais, en vrai, un frigo, c'est comme une boîte de nuit. Et tu sais, genre, tout en haut, c'est vraiment les trucs que t'adores. Et puis c'est les trucs, dès que tu ouvres, il a à hauteur des yeux là, tu fais waouh. Enfin, toi, alors, c'est le bac à légumes qui est à hauteur des yeux. Bah, moi, figure-toi, je mets pas mes légumes au frais. Pourquoi? Parce que ça les abîme. Et les fruits aussi, ça les fait pourrir. Et on m'a dit ça. Bah, bien sûr. Ouais. Attention, autre chose. Les suppositoires. Pardon, est-ce que vous faites partie des gens qui mettaient certains médicaments au frais? C'est vrai, quand tu ouvres, il y a du collier pour les yeux dans ton frigo là. Oui. Laure. Bah, au frais, parce qu'essaye de mettre un suppositoire qui n'a pas été au frais. Merci. Pauline. Mais c'est au frais, c'est. Le vernis. Par exemple, nous les filles, le vernis, j'ai appris qu'il fallait le mettre au frais. Ouais. Moi, je le mets au sec. Dernier truc, les sardines à l'huile, c'est un grand débat avec ma chérie, les sardines à l'huile. Les sardines, les boîtes de sardines, Laure. Bah, c'est une boîte de conserve, donc c'est pas au frais. Ouais, mais je trouve que le poisson, même si je suis d'accord, hein, Émilie, t'as raison. Conserve, c'est pas au frais. Mais je trouve que du poisson, t'as envie de le voir au frigo. Oui. Ah non. Même une boîte de conserve, tu dis au moins mon poisson est au frigo. Ouais. Non, non. Ah, j'ai des problèmes, hein, Pauline. Je suis pareil que toi, j'ai peur qu'il tourne. Bah, c'est psychologique. Bah c'est oui. Clair. Bah en même temps, essaye de mettre une sardine qui a pas été. Merci d'être avec nous, Émilie, pour les grands débats qui font avancer la France. 7h31, restez avec nous sur Virgin Radio. Est-ce qu'on s'écouterait pas Coldplay? Oui. Moi, j'aimerais bien. C'est ce que je vous ai préparé. Adventure of a Lifetime. Voilà ce qui arrive dans le Virgin Tonic. On est un petit peu à la bourre, mais c'est l'heure de passer à l'actu. On revient dans 2 minutes à peine. Ne bougez pas, le Virgin Tonic, c'est jusqu'à 9h. Ma Mardi 30 août aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. 7h34, que la journée a bien démarré, qu'elle va bien se passer. Beaucoup sont déjà en voiture, soyez prudents, d'autres sont encore sous la douche. Journée pour beaucoup d'entre vous qui va être à base d'achat de fournitures scolaires. Oui, c'est ma journée par exemple. C'est ça, avec ta fille, voilà. Ça va être ça. Bah oui. Eh oui, il faut le cahier rouge de protège-cahier qui va comme ça, machin. Après, il faut couvrir les livres. Mais tu verrais la liste, la longueur de la liste. C'est compliqué, hein. Ah, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire on va aider tous les parents, toutes les mamans comme toi, Laure, tous les papas. On va vous aider puisque dans un instant, on a pensé à vous pour la rentrée. Des packs Tans, le cartable tout neuf Tans. Et à l'intérieur, on a glissé iPad mini. Oh, wow. N'hésitez pas à 3916 pour nous joindre. On va inaugurer un nouveau jeu. Ah, en général, ça passe ou ça casse, les nouveaux jeux. Vous le savez, si ça casse, ça cassera en direct. Et il y a des grandes chances que ça arrive. Je vois le stress de l'équipe. Je sais pas si on n'a pas été ambitieux sur ce jeu. Restez là, en tous les cas, je vais vous dire. Si ça échoue, ce sera la tête haute. Oui. On aura essayé. Les amis, restez avec nous. Tout de suite, c'est le réponse à tout. Et oui, chaque matin, 7h35 sur Virgin Radio, c'est Clément qui s'occupe de ça. Réponse à tout. Et c'est Coldplay qu'on va écouter pour le pop rock électro dans un instant. Dans quelques jours, c'est la rentrée. Les papas, comme les enfants, vont retrouver leur maîtresse. Je leur ai demandé comment ils l'imaginaient. Si vous pouviez choisir la maîtresse idéale ou le maître idéal, vous le voulez comment? Qu'il soit gentil. Gentil. Gentil. Tu préfères un maître ou une maîtresse? Une maître. Une maîtresse. Un maître. Pourquoi un maître? Parce que c'est plus gentil. Je préfère une maîtresse parce que il y en a qui sont très gentils, il y en a qui sont très méchantes, mais celle que j'ai eue cette année, eh ben, elle était trop gentille. Toi, tu voudrais que ton maître, il ait la tête de qui? De Kenji. Si j'ai un maître, j'aimerais bien qu'il ressemble à Ariana Grande. Qui ça? Ariana Grande. C'est qui? Bah, c'est une chanteuse. Et tu voudrais que ta maîtresse, elle ait la même tête? Oui. Et qu'elle fasse les cours en dansant? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voudriez enlever de l'école cette année? Les mathématiques, la géographie et le français. Et qu'est-ce qu'on rajoute? Plus de récré pour de peinture. Si on pouvait changer le nom de votre école, vous aimeriez qu'il s'appelle l'école de quoi? L'école de Cassandra. L'école à côté du centre. L'école où on fait tout ce qu'on veut. Réponse à tout! Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin. Oui, ma Pauline. J'imagine la maîtresse habillée en Rihanna. Ah ouais. Je pense que les pères vont aller plus souvent chercher les enfants. Non, moi le pire, j'ai un truc en ce moment où vraiment je pense qu'à ça. Je sais pas si elle en a un ou pas. J'imagine le gars qui est le grand frère de Rihanna. Parce que, vous savez, quand on est grand frère, on n'aime pas que ses potes regardent sa sœur ou quoi. Et t'as juste un pote qui vient voir, il fait, je suis allé sur l'Instagram de ta sœur. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais j'ai vu, elle était à la barbade. Calme-toi. Je parle pas de ma sœur. On est là jusqu'à 9h chaque matin, bien sûr, avec toute l'équipe. Bien, on écoute Coldplay. Et donc, le jeu. Alors, la boîte, je vous dis, il y a des échauffourées. J'ai pas sur Internet, sur les réseaux. J'ai tort, apparemment. J'ai dit, moi, je ne mets pas le sirop au frigo. Mais non. Et je me fais, mais alors, rouspiller. Il faut mettre, une fois qu'il est ouvert, apparemment, c'est bien meilleur de mettre le sirop au frigo, ouais. Pauline. Oui, et quand tu le mets pas au frigo, tu sais, il y a le petit sucre qui colle autour et il y a les petites mouches qui viennent se mettre dessus. Oui, non, mais après, oui, si vraiment t'habites dans une forêt, il est dans un placard quand même, les mouches ne rentrent pas. Je suis phobique de. Enfin, moi, je mets tout au frigo. Mais je suis d'accord. Bon, peut-être j'essaierai. Vous savez quoi, je suis votre conseil. Ne arrêtez de me rouspiller. Je me fais clasher sur le sirop. Ouais. 8h20, les amis, tout de suite, c'est le nouveau jeu de la boîte à vitesse. De vitesse. Jeu de la boîte de vitesse. Sur. Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Allez! Bon, allez. Virgin Radio! Boîte de vitesse, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Et c'est Laure qui a été tirée au sort. Bonjour Laure! Salut! Bonjour Camille, salut l'équipe! Salut! Bienvenue ma belle, tu viens d'où? Marseille! Marseille, très bien! Ma petite chérie, attention, le jeu de la boîte de vitesse, il est très simple. Bon, tu vas monter dans une voiture. Quand même, hein. Comment? La pression quand même, parce qu'avec ce que tu as dit tout à l'heure, où ça passe ou ça casse... C'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu, on va le tester en direct. Bah nous, on fait pas de répète, hein. Donc nous, on teste avec vous en direct. Au moins, vous nous faites des débriefs en direct, n'hésitez pas. Boîte de vitesse, c'est très simple. On démarre une voiture tout de suite, on monte dans une voiture. Hop, c'est parti. Ouais. Et je vais te poser des questions. À chaque bonne réponse, on passera à la vitesse supérieure. Si tu arrives à la cinquième vitesse, c'est gagné pour toi. Je sais que vous êtes nombreux en voiture à ce moment-là. Et en revanche, dès que tu as une mauvaise réponse, tu repars à zéro, tu as le droit de caler qu'une seule fois. Oh, c'est ça, d'accord. D'accord ? Ok. Attention, Laure, c'est parti. Bon, on redémarre la voiture parce qu'on l'a fait caler. C'est super. Attention, ceinture. Mettez la ceinture, Laure, la ceinture. Mais oui, mais bien sûr. Ceinture, rétroviseur, c'est bon, on a tout fait. On a tout fait, Laure, c'est parti. Première question, la voici. Ok. Quelle a été la toute première émission de télé-réalité de Moundir? C'est Koh-Lanta. Koh-Lanta. On passe à la. Allez, on passe la seconde. Il faut répondre un peu plus vite. Hein. Ah pardon. Non, je t'en prie, ma chérie. Alors hop, c'est parti, Koh-Lanta. Là, on a passé la seconde. Il est pas si mal ce jeu. Ouais. Ouais. Attention, quelle est la coupe de cheveux de Monsieur Propre? Il est rasé. Il est même chauve. On prend. Chauve, oui. Troisième, bien joué. Quel est l'autre créateur d'Astérix avec Goscinny? Je sais pas. Aïe, aïe. Là, on va caler. Ah. Ouais. T'auras droit à une deuxième chose, mais on va repartir en première. Attention, c'était Uderzo. Ouais. Eh oui. Plein. Alors, moi, je suis fan d'Astérix, mais il y a plein de gens qui savaient, voilà. Ouais. Uderzo et Goscinny. C'est pas grave. Maintenant, il faut que tu enchaînes les 5 d'affilée, sinon, c'est perdu. Ça va. Attention. On redémarre. Dans quelle émission de télé bosse Maître Galibert? Maître Galibert, il est avec Tex le matin. Les couples, comment ils s'appellent? Et quand ils s'aiment, ils sont en plein... Les amours, oui, voilà. Mais on t'a à peine aidé. Quelle est la mer la plus salée? Est-ce que c'est la mer morte ou la mer noire? La mer morte. Et bonne réponse. On passe en troisième. Dans quel pays a été créé le banana split? Bon, c'est de la glace. En France? États-Unis. Bonne réponse. On passe en quatrième. Qui était le druide dans le roi Arthur? Le roi Arthur. Tu peux également y acheter du contreplaqué. Oui. Le roi Merlin. Merci. Et attention, dans quelle série a joué George Clooney avant d'être une star mondiale? Urgence, ça fait 5 bonnes réponses. C'est compliqué que ça. Et savoir que la banana split. C'est énorme. Laure, elle répond le banana split France, j'ai oui, États-Unis. Enfin, à la fin, elle fait c'était pas si compliqué que ça. C'était pas si dur. Les amours, on lui a dit carrément la réponse. Bah, ça va, c'est tout ça. Ma chérie, on... Ça va, merci. Non, mais on est ravis de te faire ce cadeau, ma belle. Vraiment, et de l'envoyer du côté de Marseille. Le pack Tans, on les remercie. Tato Tans. Non seulement tu repars avec le sac Tans, mais en plus dedans, ils t'ont glissé un iPad mini. Génial pour la rentrée. On est très heureux de te faire ce cadeau, ma belle. Merci beaucoup. Merci. C'est super. Bah, t'es un amour. Et j'en profite pour embrasser tous les Marseillais. J'ai passé l'été dans le sud. Ils ont été adorables. Voilà, tout l'été. Je t'embrasse très, très fort, ma petite Laure. Je te fais des bisous. 8h moins le quart. Calvin Harris. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. This is what you came for. Dites-nous sur les réseaux si on fera le retour ou non du jeu de la boîte de vitesse. Oui, il est sympa. J'ai bien aimé, moi. Ouais, moi aussi. Elle cale un peu vite, mais j'ai bien aimé. Restez avec nous sur Virgin. Excellent réveil à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio, 7h48, j'espère que ça se passe bien pour vous, je sais que vous êtes très très très nombreux en voiture déjà pour partir bosser, Laure, Clément, Pauline sont là, toute l'équipe réunie du Virgin Tonic, tiens j'ai une info qui est incroyable, je voulais la partager avec vous, je remercie Pierrick qui me l'a envoyé sur Facebook, alors c'est deux jeunes Belges qui ont passé toute une nuit dans un grand magasin d'immobilier. De mobilier même. Ce à quoi je pense? Ton fantasme absolu de magasin. Rêve. Ikea? Ikea. Ikea. Je vous explique en fait. Les deux ados, ils se sont planqués dans des. Ils avaient prévu leur coup, exprès. Ouais. Dans des placards du rayon literie. Okay. Ils montent les chambres. Et en fait, ils se sont cachés dans des placards. Ils vérifient pas dans tous les placards. Dans la grusse? Dans le grusse. Exactement. Juste avant la fermeture, ils ont attendu minuit pour sortir de leur cachette. Et ils ont passé la nuit à se balader dans le magasin. Ils ont rien volé. Le matin, ils ont dit ouais, désolé, on a passé la nuit, vous pouvez nous fouiller ou quoi. C'était juste le kiff de se dire bon, on kiffe tellement Ikea de passer la nuit pour essayer tous les lits, se marrer ensemble, faire tous les trucs. C'est mignon parce que voilà, il y a pas de casse, il y a rien. C'était vraiment, ils avaient ce délire entre eux quoi. Alors venez, on le fait. Mais non. Allez. Ouais. Moi, j'aime déjà pas y rester une heure. C'est pas... Je vais pas y passer une nuit. C'est pas possible. C'est un enfer. Ouais. Pauline, du standard. Moi, j'ai déjà passé la moitié d'une nuit à Ikea. Bon, c'était légal pour le coup, pour la fête de la langouste. Et c'était génial. C'est-à-dire. Mais Ikea, une fois par an, fait la fête de la langouste. Donc, on met des grosses serviettes avec des photos de langoustes et on se gaffe de langoustes. Ah, c'est mignon. La tristesse de la vie. J'étais invitée. C'est seul, hein. Ils sont seuls, là. Non, mais c'était bien. Mais vous êtes combien dans le magasin? Ah, ben, on était au moins 200 pour la fête de la langouste. Ça s'arrête. C'est un vrai buzz, hein, Laure. Tu sais qu'ils font des concours de montage de meubles chez Ikea une fois par an. Il y a une fête comme ça. Faut vraiment que je lance un casting de filles pour le. C'est pas possible. Mais d'où je sors, c'est pas possible, Clément. On va séparer l'équipe en deux. Et les filles vont aller faire ce truc chez Ikea, mais pendant 6 mois. Ouais, c'est bien. On les renferme. Ils ont fait manger. Je vous jure, on va essayer de faire ça. Imani qui arrive sur Virgin Radio dans un instant. Don't be so shy. Vos places à gagner pour la fête de la langouste, c'est à Ikea Vélizy. N'hésitez pas, vos places sont à gagner dans quelques minutes sur Virgin Radio. Restez avec nous, non, c'est votre loyer qu'on vous offre à 8h20. Vous le savez, loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. Pour se réveiller, Virgin Tonic. 8h05, mardi 30 août aujourd'hui. Bienvenue sur Virgin. J'espère que tout va bien pour vous, que cette journée démarre bien. L'équipe est là, bien sûr. Oui. On est rentré hier. Alors, depuis hier, 6h, on est là. On est comme des fous avec vous. On est vraiment très, très, très heureux d'être à vos côtés. Dans un instant, on fera un point sur l'actu, comme tous les matins à 8h. Et puis après, vous aurez rendez-vous avec la question de ouf. C'est Clément qui s'occupe de ça. Exactement. Et c'est un tu préfères. On vous a demandé, est-ce que tu préfères ne plus jamais rentrer en boîte, mais alors de toute ta vie, ou alors à chaque fois que tu rentres chez toi, ça sent le barbecue? Vous nous répondez tout à l'heure. Très important comme débat. Laure est ici aussi. Oui, salut. Pauline, coucou. Bien sûr. Et tiens, j'ai un chiffre qu'on doit à l'Institut Novatrice. Oui. 14% des Français avouent avoir déjà été jaloux d'un collègue de leur chérie. Aïe. Bah oui. Bah oui. Ah. Ouais. Le collègue, c'est fatal parce qu'il la côtoie tous les jours. Tu le vois pas venir et un jour, bam, il te la pique. Ah, vous arrivez, c'est vrai. Alors toi, t'as un nouveau mec, Popo. Il fait quoi dans la vie? Elle veut rien dire. Elle a peur qu'on va être dans... Elle a peur qu'on remonte jusqu'à lui. Moi, je sais. Elle a peur qu'on arrive jusqu'à ce Willou. William Languille, hein. William de Bordeaux. Bon. Tu peux être jaloux d'une de ses collègues, tu peux être jalouse comme ça, Pauline? Ah, tout à fait. Il a une collègue, elle s'appelle Electra. Voilà, déjà rien que ça, ça m'énerve. Ah, mais il est go-go dancer. Non, il n'est pas go-go dancer. On sait maintenant. Oui, Laure? Oui, moi je suis jalouse, mais ben, vous le savez. Toi, c'est maladif. Mais hein. J'ai appris de sources sûres. En fait, je suis jalouse d'un homme qui s'appelle Julien aussi et qui a des vues sur mon Julien. Ah, ben oui, ça arrive, oui. Et je le sais de sources sûres. Ah, oui, ben c'est. Ça peut matcher, hein. Parce qu'il est amoureux de toi, voilà. Mais peut-être un jour il le sera plus. Hein. Mais en tout cas, j'ai un bon plan, c'est que l'assistante me balance tout. C'est-à-dire, tu te les fais copine, ouais. Genre. C'est horrible de faire ça. S'il savait. Mais peut-être qu'il sait du coup, parce que t'as fait écoute, ouais, Clément. Moi, mon ex, elle avait un collègue, il s'appelait Olivier, et tu sais à quoi il m'énervait, c'est que quand elle recevait un SMS, elle rigolait. Et personne n'arrive à faire rire par SMS. Même le mec le plus drôle, un SMS, ça fait pas rire. Si tu rigoles en lisant un SMS, c'est qu'il y a un truc chelou. Ouais, c'est qu'il y a un truc bizarre. Ouais. Je suis d'accord, très bonne théorie, ça. Je suis complètement d'accord. Rémi est avec nous au 3916. Rémi, est-ce que t'es en couple? Oui, et moi, je suis super jaloux parce qu'en fait, ma femme, elle a un collègue qui la ramène souvent. Il a un super Land Rover. Et moi, bah, j'ai une vieille scénique. Alors, je me dis, elle peut y prendre goût, quoi. Tu vois? Ah, t'es un jaloux de voiture? Ah ouais. Eh oui, peut prendre goût à la voiture, oui Clément. Non, les filles, ça, elles s'en fichent. Tu peux avoir la plus belle des voitures, c'est pas très grave. Ouais. Bah, tu craques pas pour une voiture. Enfin, si elle est jolie, c'est mieux quoi. Non. J'aime bien l'honnêteté de l'homme. Non, on s'en fout. Non, pardon. On gagne mieux sur des sièges en cuir. Non. Pardon, d'aimer les cabriolets. Jugez-moi, oui, Pauline, pardon, qui êtes-vous? Moi, un van, ça me fait craquer. S'il a un van, ça veut dire qu'il aime voyager, donc ça me fait craquer. Ou tu es en série, c'est les deux. Pardon, ça me fait craquer. Ah non, un gars en van avec des gants en latex. Ah là là, c'est pas bon. J'adore. C'est ma canne à fond. J'adore. J'étais amoureuse d'un gars comme ça, il avait un van, des gants en latex. Il était en photo dans tous les commissariats. Genre, les gars, je vais l'adorer. Ça devait être l'employé du mois des commissariats. Ça a matché, mais de dingue. Un truc de fou. À tel point ça a matché, c'est simple. En passer la nuit dans son garage, je suis pas sorti pendant 2 ans. J'ai pas vu primaire pendant 2 ans. Tellement j'étais bien. Plus, il me laissait plus sortir, il m'aimait trop. Oui, Clément. Et comme dans 50 nuances de gris, il t'attachait, non? C'est ça. Sûr, c'était super. Ah, des beaux moments. Flavie, ma chérie, t'es jalouse toi aussi? T'es avec nous au 3916. Oui, alors moi, il y a une de ses collègues dont je me méfie, c'est celle avec qui il va à la natation des fois après taf. Parce que franchement, quand il la raccompagne et qu'il rentre, on dirait même pas qu'il a fait du sport. Quoi. Il sent pas le chlore, ses cheveux sont bien secs. Enfin, voilà, je fais un peu du texte. Alors peut-être qu'il prend une douche après, juste. Ouais, avec mais bon, elle. Tu sais, normalement, il reste un peu l'odeur du gel doux. Tu sais, il sentirait bien, bien le propre de presse à douche. Eh ben non. Ah oui, mais si. Ouais. Alors, Flavie, mais oui, si se passait un truc entre eux, il sentirait la fille. Ouais. Je redonne. Alors, je redonne ce truc. Toutes les filles. Les garçons vont m'en vouloir à 8h. Les filles, sachez un truc. C'est que si votre chérie voulait savoir, l'odeur, elle reste sur la ceinture de sécurité. Vous prenez la ceinture de sécurité passager. Mais non, mais vous prenez la ceinture de sécurité, d'accord, de la voiture de votre chérie. Ouais. Vous sentez là. Si ça sent le parfum de femme, après, il se justifie ou pas. En tous les cas, ça veut dire qu'une femme est montée. Le parfum reste sur la ceinture. Eh, hey, bonne astuce, hein, Clément. Et si vous voulez vraiment savoir, les filles, s'il s'est passé quelque chose, sentez sa ceinture de pantalon. Ça va pas, non. Restez avec nous sur Virgin Radio. Je t'embrasse très, très fort, ma petite Flavie, mon petit Rémi aussi. Et vous savez, on parlait de résolution de rentrée. Voilà, c'est comme pour la nouvelle année. Il y a plein de résolutions de rentrée. N'hésitez pas, on va lire tous vos messages sur Twitter, Facebook. On va aussi vous rappeler au 3916. On en parle avec vous. Le son d'Imani qui arrive, le temps de faire un point sur l'actu. Et les 8h, c'est Virgin Radio. Bienvenue sur Virgin Radio, 8h03, on est là chaque matin, 6h, 9h, le Virgin Tonic avec toute l'équipe à vos côtés. Bien sûr, le pop rock électro qui arrive aussi, que vous aimez, c'est Imani, Don't Be So Shy, dans quelques minutes, ne bougez pas. La question de ouf de Clément Lincruste, vous laissez tous vos messages sur notre répondeur, on va écouter ça dans 2 secondes à peine. Mais juste avant, pour vous tous qui êtes, je le sais, nombreux, en voiture, dans les transports, pour partir bosser, eh ben soyez prudents. Soyez prudents parce que je viens d'avoir un sondage pour m'envoyer qui nous donne les villes françaises où ça grille le plus de feux rouges. Ah, okay. Déjà, c'est pas bien. Non. Attention, Hartung, on ne grille pas le feu rouge. Eh ben, j'ai les villes. Ah, vas-y. Pauline, au standard. Bordeaux, mon père. Alors, j'ai les chiffres, ton père est responsable d'un accident sur deux en Aquitaine. Mais c'est pas ça, non. Numéro 3, Paris. Ah oui. Paris est la troisième ville. 4 automobilistes sur 10 ont tendance à griller le feu rouge ou passer à l'orange, comme on dit, l'orange très très mûr. Mmh, hein, ouais. Où là, déjà, il faut vraiment s'arrêter parce que du coup, l'arrière de la voiture, c'est dans le rouge. Tu sais, quand tu passes, tu sais que ton coffre, il passe au rouge, lui. Clément. Surtout qu'à Paris, maintenant, ils ont mis des flashs. C'est comme ça, moi, je m'étais fait flasher. Partout. Ouais. Bah, Clément, il sourit, quoi, avec ses photos. Cette fille. Il a fallu un courrier de la préfecture pour comprendre. Deuxième ville où ça grille le plus de feux rouges, c'est Nice. 5 automobilistes sur 10. Et numéro 1, Marseille. Oh, ah, j'aurais pas dit Marseille. Je pense au contraire qu'ils étaient à la cool. On a Marseille, on a le temps, on n'est pas pressé. Mais ils sont pas pressés, mais ils passent au rouge, mais tranquille. Pas en étant pressé. Marseille, 6 automobilistes sur 10 passent souvent au feu rouge. Faites attention, les Marseillais. Ah oui, c'est trop là. On va les mettre aux couleurs de l'OM. Bleu, tu passes, blanc, tu passes pas. Je suis sûr qu'à Marseille, ils suivraient. Pauline. Moi, j'ai fait du vélo à Marseille, et ben super. Je peux te dire que j'ai eu peur. C'est super, voilà. Voilà. Merci. Hein. C'était pas du tout ma question, mais c'était sa réponse. Merci à toi. Mardi 30 août, tout de suite, c'est la question de ouf. Question de ouf. Virgin Tonic. Oui, les amis, on a ouvert un répondeur 01 84 07 08 09, et une question chaque jour. Exactement, le débat de la semaine, hein, ce sera le sujet à l'Assemblée mercredi. Est-ce que tu préfères ne plus jamais rentrer en boîte de toute ta vie, ou alors à chaque fois que tu rentres chez toi, ça sent le barbecue? Alors moi, je préfère rentrer et que ça sente le barbecue et qu'il y ait des brochettes sur la table, bien sûr. Enfin, j'espère. Sans aucune hésitation, la boîte de nuit, c'est normal, jet set, tout ça, champagne. Entre ne plus rentrer en boîte et barbecue. Moi, je préfère ne plus jamais rentrer à un barbecue et que ça sente la boîte de nuit chez moi. Franchement, sans hésiter, la boîte de nuit, hein, ça me changera pas beaucoup d'habitude. Team barbecue forever, et comme ça, ça prolonge encore les vacances. Ça dépend, le barbecue. C'est merguez ou poitrine? En fait, le meilleur choix, ce serait de sentir le barbecue en boîte. Voilà, ça, c'est la meilleure option. Vu l'odeur de mon mec quand il rentre du foot, je crois que je préfère l'odeur du barbecue à la maison. Question de ouf. Virgin Tonic. Mais vous plaisantez sur les boîtes qui sentent le barbecue, mais chez moi, ils font des paninis en boîte de nuit. Ah ouais? On est en montagne, donc ils font des paninis au reblochon. Mais en fait, c'est pas genre... Et comme dans plein de boîtes, genre il y a la boîte, puis à l'extérieur il met un petit stand de panini. Non, nous il y a la cabine du DJ et le gars fait les panini à côté. Et donc tu danses sur une odeur de reblochon. Aïe. C'est assez sommaire. Hein. Clément. En Vendée, il y a une boîte qui s'appelle le manoir, il y a des chevaux dans la boîte. Tu sais, tu passes à un moment, c'est comme si une écurie, un manoir, un truc, il y a des chevaux. Non, mais c'est vrai, bien. C'est pas une blague, il y a des chevaux, tu passes. Il y a des chevaux dans la boîte. Il y a des chevaux et tout, c'est super sympa. T'es sûr que c'est une boîte? Ouais, c'est une boîte. Enfin, moi, j'y danse, en tout cas. Je suis un peu seul. Les propriétaires se sont levés à 2h. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Les amis, Imani dans le Bissochai. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. 8h07, c'est un kiff d'être à vos côtés chaque matin, 6h, 9h. Et oui, 6h, 9h chaque matin, avec Laure, avec Clément, oui, avec Pauline, avec vous tous, surtout au 3916. Cette émission, c'est la vôtre. Hein, vous le savez, vous passez sur l'antenne. Un coup de gueule, un coup de griffe, oui, un coup de cœur. N'hésitez pas, vous racontez tout ce que vous voulez. Un coup de mou, oui. Un coup de boule. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Un coup de soleil, un coup de blues, évidemment. Oui, Clément. Et une résolution aussi. On a dit depuis tout à l'heure, s'il y a des résolutions, ça marche aussi. Il vient de péter tout le début. Mais non, mais je viens d'avoir une nouvelle résolution. On était dans une ambiance de coup, là. On était à fond. Ouais, excuse-moi de revenir au débat. Ouais. Excuse-moi de recentrer un peu le sujet. Ouais. Oui, Clem. Non, tu disais tout à l'heure, nouvelle résolution. Et oui, je viens d'en avoir une, c'est la salsa. Je me suis dit, cette année, je me mets à la salsa. C'est mieux que tous les sites de rencontres. Et puis quand on a un physique comme moi de danseur, c'est pas mal. On sait qu'il y a les résolutions de 1er janvier, résolution de nouvelle année, mais on sait qu'il y a aussi énormément de résolutions de rentrée. C'est la rentrée bien pour plein de gens. Nous, c'était hier, il y en a c'est depuis quelques semaines. Pour voilà, les lycéens, les collégiens, c'est principalement jeudi, en tout cas pour le public. Et toi, Clément, c'est la salsa. Je me suis dit, ça peut être sympa. Tu peux rencontrer des gens, tu peux faire du sport en même temps, et puis c'est toujours classe de dire, moi, je fais de la salsa. Ouais. Non, moi je trouve que c'est plus classe de, je sais pas, claquette ou rock'n'roll quoi. Oh non. Ah ouais, oh, si. T'aimerais pas avoir un mec, enfin pas toi du coup. T'aimerais pas avoir un pote qui fait de la salsa. Si, Daniel Clément, bah, maintenant que t'en parles, je suis. On est en 2016, il est temps de dire à la France, j'adorerais avoir un mec qui fait de la salsa. Tu l'auras bientôt. Ben, ça viendra. Tiens, alors, on a des résolutions, mais j'ai pas encore eu celle de Pauline Delors. Alors, on a rappelé aussi plein de monde au 3916, on a rappelé Véro. Comment tu vas, Véro? Ben ça va, Camille, et toi? Mais ça va super, ma Véro. Tu viens d'où? Moi, je suis du Havre. Très bien. Et alors, est-ce que toi aussi, pour la rentrée, ben, si on te rappelle, j'imagine que oui, t'as pris une résolution et tu vas essayer de la tenir? Ben oui, moi, ma résolution de rentrée, en fait, c'est de m'inscrire à une salle de sport. Parce que je me suis un peu trop lâchée cet été sur les biscuits et les mojitos. Donc je finis par ressembler à la bouée gonflable, quoi. Alors, je sais pas si on y va. Je crois qu'il faudrait trouver des salles de sport, et c'est pas pour rien qu'ils veulent faire qu'un abonnement, où tu puisses payer à chaque fois que tu veux rentrer, parce que les abonnements, t'y vas jamais. Moi, j'ai un rameur chez moi, c'est un porte-manteau, quoi. Je veux dire, on le fait pas, on a envie, mais après, on se démotive, Laure. Je me suis inscrite, moi. Et ben, bah, ça commence le 1er septembre. Et ça finit le 1er octobre. Non, mais c'est même pas, je veux pas casser le truc des salles de sport. C'est juste que c'est, ils savent très bien, ils prennent des abonnements d'un an, ils savent très bien que l'humain sur les un an, il y en a à 3% qui finissent leur abonnement, Laure. Bah, tu vois, j'étais moins ambitieuse, j'ai pris 6 mois. Je me suis dit, bah, au moins. C'est 5 mois de trop déjà. Je te jure. Pauline, pardon. Mais je pense que oui, ça marche mieux, par exemple, les sports collectifs. Parce que tu te fais des copains, t'as envie de les voir. Enfin, c'est mieux, je pense. Bah oui, mais tu te muscles pas en sport collectif. Ah bah oui, si, bah, si, bien sûr que si. Oh, pas trop. Non, tu fais de l'endurance, c'est genre du foot, du handball, non, du volley, du basket. Mais tu te muscles pas, Clément. Je crois qu'elle parle de la Zumba. Je suis pas sûr. Écoute, ma Véro, c'est une bonne résolution. Laure, quelle est ta résolution de rentrée? Alors j'en ai deux, tu veux laquelle? Celle qui va tenir. Bah, j'en ai pas. Non, ne sors pas, arrêter de fumer parce que tu le sors. J'arrête d'arrêter. Non, j'ai décidé de bien m'habiller toute l'année, pas seulement pour les grandes occasions. J'ai décidé de vous faire un festival cette année. Ah ouais, ouais. Wow. Mais alors, on fait quoi? Des survêtes et les suites de ta fille? Brûlées. Ah bon? Ouais, c'est fini. Je m'habille en. Oh non, mais parce que Laure, faut savoir, elle s'habille comme sa fille. Normalement, c'est une fille qui pique les affaires de sa maman. Elle, c'est Laure qui pique les affaires de sa fille. Ouais, bah, c'est fini tout ça. C'était derrière moi. On aimait bien ton t-shirt Hello Kitty. C'était mignon. La deuxième, c'est quoi? La deuxième, j'ai décidé d'arrêter de fouiller sur le Facebook de Juju. En tout cas, j'ai décidé d'arrêter de créer des faux profils pour le draguer. Ah, carrément, t'es dans le faux profil. Ouais, je suis là-dedans. Ah ouais, c'est. Avec ma fille aussi. Comment ça, avec ta fille? Je sais pas, je dois avoir 15 profils Facebook. Mais elle t'aide à aller fouiller le Facebook de ton mec? Ah non, non, je crée des faux profils pour aussi surveiller ma fille. Ah non, mais c'est la CIA. C'est horrible. Mais c'est pas possible, c'est la CIA, Clément. Il faut peut-être garder ses vêtements pour faire des fausses photos pour les faux comptes. Peut-être pas tout brûler. On va regarder quelques-uns. Vincent, t'as pris une résolution de rentrée, toi aussi. Salut, mon poteau. Salut, toute l'équipe. Salut. Moi, alors, ma résolution, c'est, faut que je veux vraiment me mettre au maths, en fait. Parce que, à chaque fois que je rends la monnaie à mes clients, je suis obligé de sortir la calculette et je passe pour un blaireau devant tout le monde. Donc, j'ai pas compris. Quand tu rends la monnaie en maths. Ah ouais. Vincent, on partage ça. Je sais pas faire les monnaies. J'arrive jamais à 11,40€. Tu tentes, alors c'est 20 qui font 40, des trucs. J'arrive pas. C'est un calcul qui rentre pas dans ma tête. Non, mais c'est le téléphone qui fait ça. Tu sais, c'est comme les répertoires. Tu t'en souviens plus des répertoires. Pourquoi? Parce que t'as ton téléphone sur toi. Bah, pareil. Donc, la calculette, c'est pareil. Tu calcules plus de tête parce que tu l'as sur toi. Quoi. Bah, exactement. Avant, voilà. Les mots, tu faisais un peu moins de fautes d'orthographe. Maintenant, avec l'aide sur Word, tu fais que des fautes d'orthographe, Clément. J'ai un pote qui a le même problème. Il est serveur et il a la super technique. C'est qu'à chaque fois, même s'il a la monnaie sur lui, il prend le billet, il dit je reviens avec la monnaie. Et en fait, il va compter la calculette et personne sait qu'il sait pas compter. Et est-ce que ton pote serveur, quand il revient avec la machine à carte bleue, il fait je ramène la Game Boy? Évidemment. On adore ça. Il y a qu'en Corse qui disent pas ça parce qu'ils prennent pas la carte bleue. Et espèce ou espèce. Elle est en panne, bien sûr. Vincent, mon poteau, je t'embrasse très très fort. 8h15, restez avec nous. DJ Snake, Justin Bieber. Ça arrive dans un instant. Et d'ailleurs, demain matin, en direct, on vous offrira des places pour applaudir Justin Bieber. Le concert est évidemment archi complet. Il en reste quelques-unes, c'est à gagner demain matin. Et c'est le loyer que je vous offre à 8h20, loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire dans 3 minutes à peine. Bougez pas. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. On est en direct à vos côtés, bienvenue sur Virgin Radio, mardi 30 août, le Virgin Tonic, c'est 6h, 9h, beaucoup de courage à vous qui êtes en voiture, soyez prudents, même s'il y a déjà un peu de bouchons, ça y est, prenez votre temps, nous en tout cas on vous lâche pas, on vous accompagne tous les matins, avec Laure, salut. Avec Clément, salut. Avec Pauline, tiens, coucou. Appelez-nous au 3916, et vous aussi là, Clément, Laure, Pauline, préparez-vous, je vais vous faire un nouveau jeu que je fais avec tous mes potes. Ah ouais, quoi? C'est le tac au tac. C'est quoi? Tac au tac, c'est je vous donne un mot, un truc, et faut tout de suite en une seconde me dire ce à quoi ça vous fait penser. Ok, très bien. Et ça amène plein de trucs, ça en dit long, ça en dit beaucoup sur la psychologie. Oh mince. Oh là. Ah ouais, on va jouer à ça avec vous. 39-16, oui. Si vous voulez vous marrer avec nous, c'est dans un instant, mais pour le moment, 8h21, il est temps, ça y est, d'offrir le troisième déjà, hein, troisième loyer ce matin. Petit récap, hein, parmi tous les SMS reçus loyer au 7-12-13, on vous rappelle en direct, pas de gagnant à 6h20. Et non. Romain, à 7h20, a gagné son loyer. Oui, allô? Allô, bonjour? Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? Déborah. Eh ben Déborah, j'ai une question importante pour toi. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Ouais. Merci beaucoup. Débo. Et ouais, j'invente. Débo. Débo. Je suis content. Je suis content. Tu viens d'où, Débo? Je viens de Tonnerre, du Pas-de-Calais. Nord Pas-de-Calais, très bien. Tu fais quoi dans la vie? Je suis auto-entrepreneur et je fais des livraisons de repas à domicile. Bah, fais-toi un peu de pub. Bah, c'est les petits délices. Donc la maison maître est à Tonnerre, voilà. Et bah, très bien, allez-y, voilà. C'est toi qui livre? Oui, c'est moi qui livre et qui fais les repas, qui fais tout seul, donc voilà. Et bah, super, et bah, écoute, voilà. Et bah, file un petit coup de main à Débo, auto-entrepreneur. Et t'as un loyer de combien là-haut à Tonnerre? De 700 euros. Eh ben on va te faire un chèque tout de suite, c'est gagné, je vous pas rappelle. Hein. On vous fait un chèque du montant de votre loyer, après vous en faites ce que vous voulez du chèque, hein. Vous le dépensez dans votre loyer ou dans autre chose. Ma petite Débo, c'est gagné pour toi, puis tu le sais, hein. Pour toi comme pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être tirés au sort. Eh bien, oui. Tous les SMS que je reçois le matin entre 6h et 9h depuis hier jusqu'au 16 septembre vous inscrivent pour les 50 ans de loyer. C'est le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. Ça veut dire, ma chérie, si je te reprends le 16 septembre à 8h20 à la même heure, je te ferai un chèque de 420 000 euros. Oh là là. Wow. Ça serait parfait. Un qui arrive là dans pas longtemps, donc ça serait bien. Eh bah, écoute, ça nous ferait plaisir. Ma Débo, je t'embrasse encore très très fort. Merci de nous écouter. Merci d'être inscrit. Prochain loyer demain, 6h20. Loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. Et tout de suite, DJ Snake. Cette semaine, on vous envoie, tiens, voir DJ Snake à Chicago. Trop bien. Ouais. Et ouais, ce sera cette semaine. Tous les matins, on vous offre un tour du monde pop rock électro. On vous régale. On est tellement en kiff de vous retrouver pour cette troisième saison sur Virgin Radio. C'est parti, DJ Snake. Let me love you. Laisse-moi t'aimer. Ce que j'aimerais te dire, Clément. Ouais, my friend. Ouvre-le, ce petit cœur poilu. 8h23, bon réveil. Merci d'être avec nous les copains, chaque matin, plus nombreux. Voilà, c'est notre troisième année, on est revenu depuis hier. Je sais qu'il y en a qui nous suivent depuis longtemps, un an, deux ans et demi. Et puis il y en a d'autres, voilà, si vous venez tout juste d'arriver, peut-être hier. On est très contents, vous êtes ici chez vous. Oui, oui. Voilà, vraiment, vous êtes comme à la maison, 3916, c'est pour nous joindre. Comme l'a fait David pour jouer avec nous tout de suite. Salut David. Salut Camille, je suis trop content. Mon David, je suis très heureux de t'entendre. Tu vas jouer à un truc que je fais avec mes potes pendant tout l'été. On s'est régalé avec ça. J'en ai appelé ça le tac au tac. Mm-hmm. Et je vais le faire en même temps découvrir à toute l'équipe. Ouais. Pauline, Clément, ouais. Laure. Oui. Attention, c'est simple. Je vous donne un mot. Mm-hmm. Okay. Et tout de suite, vous devez me dire à quoi ça vous fait penser. Okay. D'accord. Mais il faut aller supra vite. À tour de rôle ou c'est le premier qui dit? Ah non, à tour de rôle. Okay. D'accord. Donc on fera Laure, Clément, Pauline, David. Ok, mon David. Ok, moi ça me va. Alors par exemple, tout de suite, donc c'est Laure qui démarre. Hein. Ouais. Je te dis 15 euros. Semaine. Semaine ? Oui, c'est la semaine de ma fille. Clément. Un bon McDo. Pauline. Happy Hour, une tournée. Ok, David. Moi j'aurais dit à Big Mac aussi. Big Mac à 15 balles. Bah non, tu prends des nuggets, c'est un dessert, ça fait 14 ans. Il connaît les tarots. Enfin, ça dépend. Si t'as la carte étudiant, en fait, t'as une carte Golden qui te permet d'avoir un petit cheese en plus. Bon, tu peux en bénéficier jusqu'à 24 ans. C'est plus cher, c'est que c'est meilleur. Bah ouais. Alors, on a quand même les deux gars, c'est deux trucs de McDo. C'est McDo et Big Mac. Laure, donc 15 euros, j'ai pas compris. Semaine. C'est la semaine de ma fille, l'argent de poche. Ah, c'est son argent de poche par semaine. D'accord, c'est 15 euros. Ouais. Quoi, c'est pas assez? Faut pas qu'elle commence la clope. Hein. Ouais. C'est pour ça, justement. Et Pauline, happy hour. Une belle tournée. T'es 4-5, 15 euros. 15 à Bordeaux. Euros. Mais ça, vous voyez, ce truc que j'adore, c'est un dilon sur la personnalité. Ah bah oui. Attention, on repart. Le même ordre. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Attention. 22h. Laure. Dodo. C'est bon. Début de soirée. Début de soirée. Ouais. Et David? Morito. J'adore ce jeu. Alors on a, c'est bien parce qu'on a ce qu'on appelle des gens qui aiment la vie, puisque Clément soirée, Pauline soirée, David Morito, Laure dodo. Moi j'aime la vie le matin. On sent la mère de famille, voilà, elle s'arrête bien. Attention, on y retourne, soyez tous prêts. On y va? Oui. Ouais. Attention. Bordeaux, Laure. Chanel. Elle pense aux rillettes. Elle est bête. Bordeaux, Chanel, l'équipe des braquards. Clément, moi je pense au vin. Au vin, direct. Pauline. Amour. Oh, parce que l'amour est à Bordeaux. Il y a tous mes amours, ma famille, mes amis et mon mec. Ton mec, on rappelle son prénom ? William. William, 67 ans, en plein bourg, Willou. On t'embrasse, mon Willou, bien sûr. Et bravo pour ton portefeuille de député. Bravo, mon pote. Non, ils ont 10 ans d'écart, son nouveau mec, avec Pauline. Donc, elle découvre la chaîne Histoire, ce genre de truc. David Bordeaux, ça te fait penser à quoi ? Moi, ça me fait penser à foot, parce que j'adore les Girondins de Bordeaux. Ah. Voilà. Très belle équipe. On s'en fait un petit dernier ? Allez. Ouais. Allez. Petit dernier. Ben, on n'a plus le temps. Bah tiens, oui, Laure. J'ai une proposition pour ce jeu, pour que ce soit plus drôle. C'est quoi ? Bah, c'est qu'on écrive sur un papier les réponses et qu'on les sort tous en même temps pour voir qui a pensé en même temps. Mais génial. Mais tu sais quoi ? Ouais. Dès que ce sera le Virgin Tonic de Laure, on le fera. Chez moi. Tu sais quoi ? À la limite, tu sais quoi ? Là, vas-y et fais-le chez ta mère. À la limite. Elle me sent Bordeaux Chanel, elle voit avantage. Bordeaux Chanel, mais c'est pas possible. David, je t'embrasse très très fort. 8h30, on fait un point sur l'actu, les amis. Et le pop rock électro de The Avenger qui arrive. On vous a offert ce matin des places pour aller l'applaudir à Ibiza. Demain, c'est des places pour aller au concert de Justin Bieber à Paris, tout frais payé. Restez avec nous sur Virgin Radio. On revient dans un instant, ne bougez pas. Je suis en tartine. Il est 9h33, bienvenue tout le monde. Non, il est 8h33, parce que là les gens c'est sur 9h à 8h, ils vont je passe l'émission peur. En France. Je croyais qu'il me faisait signe, j'ai une tartine dans la bouche. Fais l'émission à Londres, j'avais pas compris. D'accord, bah en France donc, c'est 8h33. On sait à quel point en plus chaque minute compte le matin. Ouais. Oui. Alors là d'un coup quelqu'un qui vous dit il est 9h33, quoi. Mais je suis à partir de chez moi. Il est fou, faut pas dire ça le matin, Clément. Soyez les bienvenus sur Virgin Mardi, 30 août aujourd'hui. J'espère que tout va très très bien pour vous. On est là jusqu'à 9h comme tous les matins. On mange des tartines, comme vous aussi le matin. Excusez-moi pour ça. Tiens, j'ai vu une info importante, l'équipe. Oui. Vas-y. On n'a pas encore parlé depuis qu'on a repris hier, depuis qu'on vous retrouve entre 6h et 9h chaque matin, du phénomène Pokémon Go. Ah mais c'est fou ce truc. Alors Laure. Maman, rappelle-nous l'âge de Lily. Elle va avoir 14 ans. Alors là, en plus, elle a craqué le jeu. Donc là, elle est allée à Chicago chercher des Pokémon. Pas en vrai, hein, en virtuel. Ouais, parce qu'à 13 ans, partir seul. Maman, je te le dis, je refais ma vie. J'ai 14 ans, je pars me lancer dans la chasse professionnelle. Pokémon Go. D'accord, donc là, elle est à Chicago en train de chercher des Pokémon. Et oui. En fait, donc, c'est une passion énorme, vous le savez. Hein, tout le monde parle que de ça. Ginger adore ça sur nos réseaux. Ouais. Moi, je suis au taquet. Elle part l'après-midi dans des parcs, ce qui est plus prudent d'ailleurs. Hein, ouais. Mais dans des parcs, chercher des Pokémon et tout. Alors moi j'ai joué un petit peu cet été aussi, on m'a montré, je suis tombé sur des gars en train de le chasser genre à minuit, ils m'ont montré, j'ai réussi à en attraper un. Je suis content, je comprends que ça marche, franchement c'est rigolo, Pauline. Bah moi surtout le problème c'est que j'ai passé une partie de l'été avec Ginger et je ne comprends pas, c'est-à-dire que je n'intègre pas le truc. Ouais, moi non plus. C'est... Bah alors vous savez ce qu'on fait, je trouve que c'est une bonne idée. On va se dire dans un instant, et là je m'adresse à 8h35, je sais de nombreux parents à partir travailler, être en voiture et peut-être... Alors, on croit savoir, même moi, j'ai réussi à en attraper un, on m'a vaguement expliqué, mais j'ai pas tout compris. Donc, j'aimerais que tous ensemble, on s'explique Pokémon Go. Juste pour qu'on comprenne bien, mais alors on pourrait dire, bah alors, qui va nous l'expliquer, machin. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un enfant qui nous appelle. Ah oh, oui. Je voudrais que ce soit un enfant de 6-10 ans qui nous explique Pokémon Go. C'est eux qui jouent. Ouais, c'est vrai. Qui nous explique vraiment la passion. Parce que Ginger, elle adore, elle pourrait. Mais je voudrais que ce soit un enfant. Bah oui. Bah oui, Laure. Moi, j'ai quand même passé une partie de mon été sur le parking du Géant Casino pour. C'est pour d'autres raisons, peut-être. Pour faire de l'argent. C'est pour faire. C'est pour arrondir les fins de mois. Oh. Tu es honteux. 8h36, les amis, vous savez ce qu'on fait tout de suite. On va se faire le réponse à tout, tranquillement. On est allé poser des questions aux enfants. Et après, on parlera encore avec les enfants. Expliquez-nous Pokémon. Ouais. Ah, vous avez un enfant près de vous. Obligez-le à nous appeler. Et expliquez-nous ce phénomène de dingue. On voudrait vraiment. Savoir les règles et tout ça, ça nous intéresse vraiment. Je suis sûr que ça vous éclairera aussi sur Virgin Radio. Réponse à tout. Et dans le réponse à tout ce matin, j'ai demandé aux enfants quel était leur meilleur souvenir de cet été. C'est quoi votre meilleur souvenir de l'été? D'aller au Canada. Et c'est comment le Canada? Trop bien. Ouais, il y a les chutes du Niagara, il y a des baleines, il y a des castors, il y a plein de choses. Toi, c'est quoi ton meilleur souvenir? Barcelone. Waouh! C'est comment Barcelone? Ça ressemble à quoi? C'est en Espagne. Il y a des téléphériques, funiculaires, et des métros, des bus et des trams. Alors moi je suis resté en France, mais j'aurais adoré aller en Sicile. Vous savez ce que c'est que la Sicile? C'est les habitants de la Sicile. C'est là où il y a les dames qui s'appellent Cécile. C'est une île, la Sicile, où est-ce qu'il y a les oranges et les citrons qui poussent. Il y a quoi? Les oranges et les citrons qui poussent. Et il y a quoi d'autre? Il y a eu la guerre. La guerre de Sicile? Ouais, voilà. Réponse à tout! Il y a Sicile, l'impératrice aussi. Oui. bien sûr. Les amis, 8h37, allez, appelez-nous, expliquez-nous le phénomène Pokémon. Enfin, le phénomène. Expliquez-nous le jeu. Voilà, comment on y joue? Moi, j'ai joué, pu en attraper un qu'une fois. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Vous êtes un enfant entre 6 et 10 ans, ça se passe au 39-16 et tout de suite, c'est The Avenger sur Virgin. Excellent réveil. Virgin. Et alors, on s'est dit, tiens, il faudrait quand même qu'on se fasse expliquer Pokémon Go. Oui. Alors, moi, franchement, je trouve ça dingue. Je vois des images de partout, ça chasse de partout. Alors, moi, je l'ai pas. Mais voilà, j'ai croisé du monde qui l'avait cet été. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'appli, alors, je vais pas vous expliquer, tout le monde a vu, en tout cas, ce phénomène de dingue cet été. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'appli, tu comprends pas tout exactement ce qu'il faut faire. Ginger joue beaucoup, elle. Ouais. C'était 60 millions de téléchargements quand même l'appli cet été. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là. Ça cartonne ce truc là, Clément. Moi j'ai pas trop adhéré, mais tous les jeunes m'ont dit non, mais c'est mieux qu'un jeu vidéo parce qu'au moins tu marches. Et je leur ai dit, c'est pour ça que j'adhère pas. Alors on a demandé à un enfant de nous l'expliquer parce qu'on pourrait dire, alors voilà, ça les règles et tout, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est ceux vraiment qui jouent, voilà, 6-10 ans, ceux chez qui ça cartonne, évidemment, même s'il y a pas d'âge. Mm. Mais voilà, là, chez qui ça cartonne, pour nous l'expliquer. Moi, je veux absolument que quelqu'un me l'explique. Donc, on a Nina, on a Mathéo aussi, ils sont là tous les deux. Salut les bichons. Salut les bichons. Salut. Mathéo, joueur de Pokémon Go. Oui. Et Nina, joueuse de Pokémon Go. Oui. Alors Nina, je te laisse te lancer. Alors, t'as 8 ans, c'est ça ma belle? Oui. T'es en quelle classe? CE1. CE1, alors vas-y ma chérie, explique-moi déjà ce qu'est Pokémon Go. En fait, déjà... c'est un jeu PS, il y a un personnage, dès que tu marches, eh ben, le personnage, il marche, déjà. Mais c'est-à-dire, il marche, c'est toi le personnage? Oui. Ben oui. Ben oui, excuse-moi. Et souvent, dès que ça vibre, il y a un Pokémon qui apparaît, il y a la Pokéball, et il faut la lancer. Si tu l'as, il y a les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? Si tu l'as, si tu attrapes le Pikachu? Oui. Oui. D'accord. Et donc tu et une fois qu'il est dans la boîte, t'en fais quoi? Ben en fait, il t'affiche un truc, tu appuies sur OK, Il t'affiche le Pokémon, combien il a de points et tout. Et après, par exemple, s'il s'échappe. Ouais. Ah, il peut s'échapper? Oui. Oui. Il faut mettre une alarme. Faut mettre un... Tu dois l'attraper. Et relattraper parce qu'il s'est échappé, bien sûr. Ouais. Mais alors, c'est quoi le but? C'est d'avoir le plus de points possible? Non, en fait, avec les arènes, il y a les arènes. Quand tu es à côté, tu peux cliquer dessus. Il y a en bas, il y a un truc pour se combattre. D'accord. Moi, je comprends pas. Rond. Non. Il y a un rond, d'accord. Tu cliques sur l'arène et il y a un rond. Oui, Laure. D'accord. Nina, ça sert à quoi, en fait? Quoi? Ça sert à quoi, Pokémon? D'en avoir plein. Ah oui. En fait, à marcher. Et à trouver des Pokémon. Alors, Mathéo, par exemple, t'en as plein, toi, des Pokémon? Oui. Mais du coup, t'es en compète avec qui? Avec tes potes? Bah ouais. Bah, tu fais des combats. Tu peux aller dans les arènes, te combattre, puis tu la captures, quoi. Tu mets un autre Pokémon de ton équipe pour avoir l'arène, quoi. Ah, parce qu'après, les Pokémon, ils vont se battre? Ah bon? C'est oui. ça Oui. Ah, d'accord. Une fois, oui. Alors, une fois que t'as les Pokémon, une fois que tu captures le Pokémon, tu dois le faire évoluer, monter en puissance, puis après, tu peux faire des combats. Ok, apparemment Mathéo bosse chez Ubisoft. Lui t'explique le truc, mais alors vraiment, enfin ça dépend, parce que si t'es dans un monde à 12 pixels, forcément ça marche mieux, Clément. Moi j'ai jamais joué les enfants, mais j'en ai chez moi. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je peux me faire attaquer ou... Bah non, si tu les as dressés. Ah, je les ai pas dressés moi. Camille, oui, ah bah, oui Nina. J'ai envie qu'on invente un Pokémon. Ah. T'as envie de quoi? Qu'on invente un Pokémon. On invente un Pokémon? Mmh. C'est-à-dire? Ben, le Poké Combal. Il est simple à reconnaître, il est ventripotent. C'est ça le truc. Eh, ma Nina, alors attendez, on va comparer juste les scores. Nina, t'as combien en score de Pokémon Go? Je suis au niveau 10. Et combien de points? Ah, c'est pas des points, non. C'est les niveaux. Ok, je suis un ringard, merci, voilà. Merci. Et Ginger, elle me jette un regard dans le studio de mon pof, t'es tellement largué. T'es tellement à côté de la plaque sur ce phénomène. Mathéo, t'es à quel niveau, toi? Triche pas. Moi, 15. Niveau 15? Ah, et toi, Ginger? Niveau 17, et j'en ai 68. T'as la gamine. Mais t'as 30 ans, et pas de mec. Qu'est-ce que t'as, Mathéo? Bah, Clément, il devrait jouer parce que s'il a pas de femme, au moins il pourra attraper des Pokémon. Et je pourrais maigrir, je vais devenir un Pokémon, attention, je vais être Picassiette, moi. On est la seule. On est la seule mission à se faire clasher par des enfants de 10 ans, quand même. On adore ça. La seule, oui, Laure. Alors, comment on fait quand on n'a plus de Pokéball, par exemple? Bah, tu dois prendre des Pokéstop. En fait, tu dois t'approcher d'un Pokéstop, puis après tu dois le faire tourner, et ça te donne des objets aléatoires, comme des Pokéballs, ou encore des baies, ou des potions. Ok, je suis largué. Nico du bureau. Moi, j'ai pas compris pourquoi les gens ils couraient dans les parcs tous ensemble. Mais parce que quand il y a un Pokémon, il fallait l'attraper. Ouais, mais est-ce qu'il disparaît en fait quand il y en a un qui l'attrape? Comment? Est-ce qu'il disparaît quand il y en a un qui l'attrape? Parce que je non, mais non, c'est comme ça. Il disparaît pas, il est pour tout le monde. Quand il y a une jolie fille en boîte, on court tous, viens voir, viens voir. On part tous dans la salle où elle est là. Bah bien sûr. Bah oui, mais dès qu'il y en a un qui l'attrape, elle disparaît. C'est le problème. Tina, Mathéo, je vous embrasse tous les deux très très fort. Merci de vous être marrés avec nous ce matin. 9h moins le quart. The Chainsmokers, Don't Let Me Down dans le Virgin Tonic. Bon réveil. Pour se réveiller, Virgin Tonic. 9h moins 5, bienvenue à tous si vous nous rejoignez tout juste. Belle matinée, mardi 30 août aujourd'hui. Et oui, on est sur Virgin Radio avec toute l'équipe qui est là. Oui, avec vous au 39-16. On s'éclate avec vous tous les matins entre 6h et 9h. La reprise c'était hier, on est parti pour une nouvelle saison. On va vous offrir 50 ans de loyer le 16 septembre. Loyer au 7-12-13. Même si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez une chance d'être tiré au sort demain à 6h20. Et en plus, tous les SMS sont enregistrés, sont comptabilisés pour le grand tirage au sort, le plus grand cadeau jamais offert sur une radio en France. Nous, on vous fait un chèque du montant de 50 ans de loyer. Ce chèque, vous le dépensez en une fois, en deux fois, en trois fois, sans frais. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, on espère vraiment que ça vous fera très, très plaisir. Et puis, c'est pas tout. Des cadeaux magnifiques qu'on offre depuis ce matin. Vraiment, je suis très heureux. On vous offre déjà chaque matin un tour du monde pop rock électro. Lundi, les Red Hot sont vous avez offert. Ce matin, c'était Ibiza. Ibiza. Demain, Justin Bieber. Demain sera Justin Bieber. was your boyfriend. You don't know what to do. Jeudi matin pour ce tour du monde pop rock électro, ce sera DJ Snake. Ouais. Alors, ce qui est important, pourquoi je dis tour du monde, c'est où que soit le concert dans le monde, on vous offre un séjour tout frais payé. Voilà, avion, hébergement, tout, la restauration et en plus les places de concert. À donc, Chicago. Pour partir à Chicago, applaudir DJ Snake. La classe. Et alors, si vous avez envie d'aller à New York et en plus voir un beau concert, ça, ce sera vendredi matin. Des places pour Adele à New York. Le truc de fou. C'est un truc de dingue. Et puis je voudrais vraiment remercier aussi les magasins But. En vrai, parce que alors, c'est eux qui nous ont appelés, ils nous ont dit on aimerait bien vous offrir ce cadeau pour la rentrée. Et je trouve ça génial. Parce que alors, la rentrée, c'est plein de frais. Oui. Il y a l'été qui est passé en plus. Donc l'été, bah, tu as dépensé toujours un peu plus que prévu. Et pour la rentrée, les magasins But, chaque matin, vous offrent 2000 euros à dépenser dans le magasin. Et alors, But, c'est voilà, c'est vous voulez un canapé ? 2000 euros de canapé. Vous voulez de l'électroménager ? 2000 euros d'électroménager. C'est vachement bien. Ah bah super. Ouais. L'or. En plus, il y a les impôts qui arrivent, donc ça tombe encore mieux. Les impôts, les impôts qui arrivent. Ah bah oui, c'est la réalité. En plus, il y a les impôts qui arrivent. Il y a une petite provisionnée. Donc, merci à eux. Et vendredi matin, ils doublent même la mise. On l'a pris. Ils sont très sympas. Ils offrent carrément 4000 euros vendredi matin. Donc, vendredi matin, Adèle, 4000 euros, des trucs de dingue. Oui, Popo. Moi, je prendrais un lit à eau. Hein, pardon. C'est un lit avec les matelas avec de l'eau. J'en ai toujours rêvé de ça. Ça existe toujours? Bah c'est mon rêve. Bah oui, ça existe. Oh là là. C'est énorme. Oui, alors. Je suis sûre qu'on dort trop mal dessus. Pourquoi? Mais je sais pas. Imagine, t'es sur l'eau comme ça, tu dois. Moi ça me chaufferait. Alors, en tout cas d'essayer, ça me chaufferait. Nico du bureau. Je confirme, il faut un ostéopathe derrière. Ah c'est sûr. Tu as déjà fait? Ah oui, et ça te fout un mal de dose, un truc de dingue. Bah oui, tu parce que c'est tout mou, plus c'est mou. En fait, ils te disent les matelas, il faut que ça soit bien dur, bien ferme. D'accord, merci à toi. Merci. Quatre ans chez dans l'eau pilo. Ouais. Pour dire le gars, il sait de quoi il parle. Hein. Et donc Marion va jouer avec nous ce matin, là maintenant, pour gagner ses 2000 euros à dépenser pour la rentrée dans les magasins But. Marion, t'es avec nous? Oui, bonjour Camille, bonjour à toute l'équipe. Salut ma belle, tu viens d'où? Je viens de Beauzelle, en Haute-Garonne. Beauzelle en Haute-Garonne, donne-moi une seconde. Le magasin But le plus proche de chez toi, si tu gagnes pour dépenser ces 2000 euros, tu iras à But Toulouse Nord. Je vais à But, à tous les buts. Je vais marquer des buts. Je vais à tous les buts de Haute-Garonne. Droit ton but. Merci. Merci Laure. C'est une petite pointe d'humour. Eh ben ma chérie, pour ça on va jouer. Alors est-ce que tu connais le slogan des magasins But? Non. Alors aujourd'hui c'est ça. Ah, il sait même pas vraiment, ouais, il siffle juste. Avant, mais avant, il disait, voilà. Choisissez bien. Avant, il est culte avant. Alors, le nouveau, c'est celui-là, mais avant, c'était ça. Pour l'ameublement, l'électroménager. Choisissez bien, choisissez but. Eh ben, nous, sur ce slogan avec lequel on a grandi, qu'on adore, eh ben, ma chérie, on va te faire le but game. On va te poser tout simplement des questions sur l'air de la pub but. Eh ben, voilà, c'est le but game. Il y a de l'idée là-dedans. C'est parti. Tonic. Choisissez bien, choisissez but game. Hey. Voilà. On est prêt, attention ma chérie, il faut que tu aies au moins 16 bonnes réponses et c'est gagné, d'accord? Non, mais on parle quand même, vous vous rendez compte qu'on parle de 2000 euros? C'est énorme. Hein. Ma petite Marion, on plaisante, mais alors maintenant concentre-toi bien, attention, il faut que tu aies au moins 3 bonnes réponses. Ok. On y va. Fais-moi la maline là Marion. Attention, on y va. C'est parti, sur l'air de l'ancien slogan de but, on y va. Quelle est cette chanteuse d'origine québécoise qui vient de sortir un album? Facile. Céline Dion. Céline Dion. On valide. Je vais chercher ton cœur. Oui. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes bras, notre danse des heures. Juste, Clément, si tu ne connais pas les paroles, ne chante pas. Je les connais par cœur. J'irai chercher ton âme dans le froid, dans les dans flammes. Les il y en a si un qui a chanté qui ne connaissait pas les paroles. Ok, et qui avait curieusement la voix de Clément quand même. Je ne dis pas que c'est toi, mais quelqu'un qui a exactement ta voix, c'est pas ça. Il a ruiné mon Céline Dion, hein, j'apprécie pas du tout. Marion, ma chérie, première bonne réponse, on continue. Attention, le quiz en musique, le spécial magasin but avec la pub à l'époque du juste prix qu'on adore. Ouais. Hein. C'est parti, deuxième question. Quel est le pays qui vient de remporter la Coupe d'Europe de football? Facile. Le Portugal. Et le Portugal, on y est, bravo. Bravo. Ouais. Clément, tu veux chanter l'hymne Portugal. Ah non, pardon. L'hymne du Portugal. Ouais, vas-y. Exactement. C'est pas la Roumanie, ouais, parce qu'il a été écrit par un Russe, en fait. Peu de gens sont au courant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On y va. Attention, troisième question. C'est le but quiz. Aujourd'hui, on fête leurs 67 ans. Souvent, ils s'habillent en tenue d'astronaute. Ce sont des jumeaux qui adorent la science et qui ont un très gros menton. C'est les frères Bogdanov. Et c'est une bonne réponse, bravo. Oh, 2000 euros pour toi, ma belle. Ah, je vais refaire mon lit, mon canapé, je vais tout virer à la maison. Tiens, tiens, le bon coin. Je reviens à ma maison sur le banquet. Ma petite Marion, on est ravis de t'avoir entendu. Merci pour ton soin, merci de te réveiller avec nous le matin. Merci, merci, vous êtes au top. Enfin, j'ai rien, vous êtes le meilleur morning. Je pense que les autres, ils peuvent aller se coucher. Vous êtes au top. Bon, ma chérie, merci beaucoup. Je t'embrasse très, très fort, Marion. Eh oui les amis, ça y est, on va se quitter. On va se quitter, mais on va se retrouver demain 6h bien sûr en direct comme chaque matin sur Virgin Radio. Encore des très beaux cadeaux. Ces 2000 euros qu'on vient d'offrir seront encore eux aussi à gagner demain. Retour également du réponse à tout et de la question de F. La question de ouf, Clément, 01 84 07 08 09. Vous pouvez répondre dès à présent à la question de demain. J'ai envie de faire une chanson pour demain, et justement, Céline Dion. On va faire celle-ci, voir si vous chantez mieux que nous. Ah ouais. De vous chanter directement et on fera un montage. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme dans le froid, dans les flammes. Mais bien sûr. Je te jetterai des sorts. Des sorts. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Ziggy. Il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres. Mais moi je l'aime, c'est pas ma faute. Tu m'aimes seulement si dit que j'avais envie de lui. Oui, je sais. Il aime. Attendez. Les oula. En haut, dehors. Au-dessus de nous, dedans et tout autour. Le miracle est partout, mon amour. Mais il faut des lunettes. Sauras-tu le voir? I'm alive. Ouais. Allez, même que j'irai où tu iras. Qu'importe ma place et qu'importe l'endroit. Non, alive, on veut live. Bah ouais, ouais. Bah, excuse-moi, achète l'album mon pote hein. Achète le best-of à un moment donné Dans mon émission c'est simple, faut du Cabrel, du Roi Soleil, du Céline Dion. Sous le vent, bien sûr, bah oui. Tout ce qui est ringard quoi finalement. Oh ouais, Céline Dion, j'adore. Ringard. Bah moi Céline. J'adore. Bah alors oh. On adore Céline Dion. Juste c'est quoi le titre de celle qu'on choisit pour demain? Juste pour que je dise. Bah celle-là, c'est celle qu'on a mis au début. Et le titre c'est quoi? Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Voilà. Fais comme si j'avais pris la mer. C'est là ça. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Robin, notre réalisateur, il met plus de temps à trouver une chanson que Céline Dion à l'écrire, je crois. Sans déconner. Fais mon étoile et je l'ai suivi un instant. Mais où ça? Sous le vent. Oh là là, les amis. On est très très très pressé de vous retrouver demain dès 6h bien sûr. On reste avec vous sur les réseaux sociaux. Évidemment, podcast, Twitter, Facebook, tout ça. Et là j'ai vraiment tout dit, il faudrait vraiment trouver la chanson. On fait un dernier point sur l'actu, bien sûr, comme chaque matin à 9h, puis Pierre-Alex va vous accompagner jusqu'à midi. Attention. Là il y a un petit peu de pub, ça arrive dans 10 secondes. Ça arrive. Ah. Bon, alors là, je peux dire, elle donne tout. Ça, c'est ma Céline. Voilà, ça, c'est ma Céline. Là, t'es à Vegas, mon pote. Là, tu te prends, regardez, c'est un petit bout de Vegas dans ta gueule. C'est génial. Oh, oh, I'm alive. Yeah, yeah. Elle donne tout, là, j'adore. Ouais. J'ai le patron de Virgin Radio, il est en dépression. Ah ouais, vraiment. Pop Rock et Céline Dion. When you come from me, when I hear you breathe, mettez pas hein. Non, on le fait pas. The light, I'm feeling. dur les paroles. Elle est dans la. Elle est pas. Ouais, il y a le clip devant moi quand même, elle est. Elle maquille. Yeah. Ah ouais, je veux juste en fait. Bon les amis, à demain avec encore plein de Céline Dion dans l'émission. Ouais. On se retrouve des très imp... On n'arrive pas à vous laisser. Hein. Ouais. On aurait dû rester jusqu'à 9h30 en fait. Ouais. Ouais. Tôt, hein. À 9h30 pareil. Allez, un point sur l'actu. Pierre Alex qui arrive ensuite. Bonne journée sur Virgin Radio et nous demain 6h. À demain l'équipe. Ciao. Tous les matins de 6h à 9h. C'est le Camico.